bonsoir, bonne fin d'année, bon été, voilà, bon tout, bonne saison, bon Marc Keller. Radio Stubb revient pour l'émission bilan. Nous sommes beaucoup. Hein, c'était une émission, j'avais invité à peu près 72 personnes. Et là, ils sont quasiment tous là. Vous ne les entendrez pas tous pour des raisons techniques. Mais en tout cas, le roi de la technique, il est là ce soir. Il est là avec ses questions Minitel. Il est là avec son vin rouge de qualité méridionale. Il s'agit de... This was called Punk's Not Dead. Eh oui, Blue, bonsoir. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Et voilà. Eh bien, merci. Je reviens vers toi dès que j'ai reçu l'argent que tu me dois. il est à côté de JP Darky, il est à la droite de Dieu. Ou alors, c'est peut-être lui Dieu. Il s'agit bien sûr de... C'est moi qui... Bonsoir! Voilà, j'ai fait écouter les watts. Voilà. Il y a un petit truc là qui... Ouais, ça marche pas. C'est parfait. Voilà. Je suis en grande forme, vous l'avez pu le constater. Tout le monde est en très grande forme, bienvenue. Je reviens aussi vers toi dès que tu m'as donné mon argent. Bien sûr. Voilà, bien sûr, vous constatez tous, on en parlera plus tard, ce journée, c'est la Saint-Marc Keller. Donc tout le monde doit de l'argent à tout le monde, et il faut absolument rembourser. Et on se met autour de la table. On se met autour de la table, et on et parle... on discute. On discute. Voilà. Il est là, il est de retour, il a préparé un quiz, vous le connaissez tous, vous l'attendez tous, il s'agit bien sûr de... When she looks at me and laughs, I remind her of the fact, I'm the king of rock and roll, completely up from sweet shoes, my baby blues. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je suis rodé maintenant, je sais que c'est moi qui fais les questions et les réponses. Voilà, et le dernier que je présenterai parce que les autres, on n'a pas le temps, l'émission, il y a tellement de choses à dire, tellement de questions Minitel, JP Darky. C'est horrible. C'est horrible. Mais nous avons notre chiantologue, même s'il n'aime pas trop qu'on l'appelle comme ça, il remplace à tort au pied levé avec des réponses beaucoup plus intéressantes. Je vous demande d'applaudir. Ça mouille les maillots, ça gémisse assez fort et ça secoue comme un shaker. Black, blanc, beurre. Les jeans moulés, les mini-jupes, les marélines et les balais, les petits lolos, les chambres d'écho, les durs, les trémolos et go, go, go. Tiens, des bombesses. Je trottine. Bonsoir, Ilias. Voilà. Merci. Je suis prêt à discuter avec toi avec humilité, voilà. Ambition. Et enthousiasme. En effet, mais effectivement, parce que on a fait le tour de la table, oui. mais il manque quelqu'un. Devinerez-vous qui c'est? Devinerez-vous qui c'est? Et oui, c'est notre guide, c'est notre lumière, c'est un peu notre phare. Il est là avec nous encore une fois ce soir. Pas de Radio Stubb sans lui. Il s'agit de... Special places sind dir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. singers. Cabinet Boom Boom. Oh oh. Gigas. Bravo. Bah oui, mais, ah pardon, il est beaucoup plus lumineux que Marc Keller. Ah, je n'oserais jamais. Notre grand timonier. Beaucoup plus droit, beaucoup plus raide. Je m'inspire, je marche dans ses pas. Je lis le petit Keller illustré tous les matins. Et d'ailleurs, pendant que je dormais cette nuit, du soleil du juste et du supporter maintenu en première division, pas comme c'est. Voilà, d'accord. Voilà, Marc Keller m'est apparu en songe. Et il m'a dit, Gigas, toi qui. Voilà, parlait comme ça. Un truc de fou. Il m'a dit, est-ce que c'est la meilleure saison depuis la remontée en première division? Alors je dis, je sais pas. Et franchement, sans déconner, je me suis jamais posé la question. Demande à tes amis. Aux apôtres, voilà, les 12 radio-shtoubistes de l'Apocalypse. Et donc, cette question que Marc Keller m'a posée, je vous la pose à mon tour. C'est marrant, tu peux prendre des intonations de la pose. Très, en vérité, On te sent monter en chair. Ouais. Si je peux me permettre cette expression. Bah, en termes de régularité, c'est clairement la meilleure saison. Ça fait des années qu'on rêvait d'une saison comme ça. On était genre premier tiers du championnat, sans trop forcer, et en faisant quand même quelques très beaux résultats contre quelques belles équipes avec une belle régularité sur la saison. Je crois qu'il y avait un Radio Stube où on avait comparé ça à la saison, 96-97 et à d'autres saisons où on avait dit qu'en fait on avait fait toujours des très très bonnes demi-saisons à plusieurs reprises, mais que une saison complète on n'avait jamais vraiment fait. Là, si on accepte les trois premiers matchs qui n'étaient pas GG, c'est vrai qu'on a fait une saison qui était cohérente sur l'ensemble. Après, par contre, c'est sûr qu'il a manqué la dramaturgie des derniers moments comme on a pu avoir la première saison où on est remonté. Même si on a quand même été maintenu sous tension jusqu'au bout. Jusqu'au dernier match dont on ne parlera pas, Ouliane. Tout à fait. Non, mais on n'était pas maintenu jusqu'au bout, on était maintenu en février. Non, oui, mais là, mais genre, contrairement à une équipe, genre, quelle équipe de merde qui arrive un jour. Montpellier. Voilà, exactement. Je pense, équipe de merde, je pensais tout de suite à Montpellier. Qui, eux, ne jouaient plus ni la descente, ni l'Europe. Nous, on a quand même cru jusqu'au bout un peu à cette Coupe d'Europe. Mais chaque saison, hein, le Racing joue quelque chose, en fait. Hein. Jusqu'au bout, chaque saison, on joue quelque chose. Alors, c'est le maintien, c'est la montée en CFA. C'est la Coupe de la Ligue. Bon, c'est un peu de la Ligue. Mais honnêtement, vous avez pris votre pied, vous, cette saison? Ouais. Pour ça, d'habitude, j'aime bien cracher dans la soupe et tout, mais ouais. Au niveau du jeu, enfin, moi, je connais que la Méno, essentiellement. Hein. au niveau du jeu, au niveau des émotions, c'était une des meilleures saisons. On a eu parmi les meilleures ambiances aussi. La fin du match contre le PSG, c'est cataclysme. Je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain, je ne regarde pas, mais dans les tribunes, c'était dingo de vivre ça de l'intérieur. Une impression que le béton vibrait, on était Furiani. voilà. N'oublie pas qu'on va en Corse l'année prochaine. Oui, exact. Bon, on va à Ajaccio, je sais pas quelle est la... Ah, si Ajaccio sur Yoni, c'est une blague ou si... Bah, je pense qu'ils doivent se cracher à la gueule. Mais nous, on n'aurait pas le droit parce qu'on serait continentaux. Mais entre eux, j'imagine qu'ils se cherchent sur le sujet. Non, mais même au niveau du jeu, c'est dingue. Okay, on a vu des choses dingues. C'est marrant parce que moi, j'ai vraiment un ressenti différent. Parce que tu vois, on parle toujours de Marc Keller, l'ADN du club. Mm-hmm. L'ADN du club, c'est pas de finir sixième et d'être maintenu. C'est vrai. Et donc, du coup, jouer la place de Coupe d'Europe jusqu'à la dernière journée, enfin, moi, j'ai envie de te dire, rendez-moi mon Racing, quoi. Rendez-moi mon Racing, rendez-moi les résultats de merde, rendez-moi les dramas dans les coulisses, des choses qui se passent pas bien, une relation pourrie avec l'entraîneur, des joueurs qui font la gueule, des résultats où tu te fais remonter et égaliser dans les arrêts de jeu et finalement perdre encore un truc. Voilà, c'est ça, le Racing, l'ADN du Racing, c'est ça. Et donc, cette année... On a été trop bon et je suis moi j'ai été un peu déçu. Donc pour répondre à ta question, est-ce que c'est la meilleure saison du club? Je sais pas, parce que c'est vous la meilleure saison d'un club, quoi. Mais c'est sûrement pas ça, quoi. Être maintenu en février, ça peut pas être la meilleure saison du club quand on est le Racing Club de Strasbourg. C'est un point de vue. Ouais, c'est ouais. Vrai. Bon, c'est vrai qu'en termes d'événementiel, bon, ça faisait déjà quelques années que c'était en céphalogramme pas plat mais presque. Là où je suis rejoint un peu Roulian, c'est qu'il manque un match complètement dingo sur la saison. Finalement, tout a été... Il y a le match du PSG, certes, mais en même temps... J'allais dire, ouais. Le match du PSG, à partir du moment où on revient à 3-2, On sait quasiment sûr qu'on va égaliser vu leur track record dans la matière, quoi. Il a manqué ce match qui te rend complètement dingue parce que le scénario t'échappe totalement, alors dans un sens ou dans l'autre, c'est souvent de la frustration. Bah, souvent Bordeaux, de la frustration. Ouais, mais c'est à l'extérieur, c'est pas pareil, tu vois. Et sans public. Voilà. Après, si on est aussi un peu, mauvais esprit, on se dit que cette saison, elle aurait pu être aussi encore 10 fois mieux si les matchs avaient eu lieu le samedi soir. Ah, c'est chacun. Ce côté dimanche à 15h a quand même bien anesthésié. Genre un match, la trempe qu'on colle à Saint-Té. Bon, belle ambiance, j'ai le souvenir d'une belle journée d'automne et tout, etc. Mais, je crois que c'était mon anniversaire. Ah, mais ça, on peut pas le reprocher à Keller. C'est quand même lui qui décide qui est à la ligue, et c'est quand même la ligue qui va être en télé pour faire de la merde, hein. Je veux dire, Keller n'est pas blanc-blanc dans cette histoire. Dans toutes ces relations-là, de quoi qu'il arrive, quand les clubs de foot se font sanctionner pour des amendes, pour les fumigènes, les machins, tout ça, c'est la ligue. Et la ligue, c'est qui? C'est la ligue. La ligue, c'est les clubs. La ligue, c'est les clubs. Donc si les clubs sont pas d'accord, ils ont une assemblée générale une fois par an, ils peuvent dire qu'ils sont pas d'accord. Si la ligue est pas d'accord, les clubs sont pas d'accord pour la diffuser un dimanche à 13h pour faire plaisir aux petits dragons chinois, ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire. Et ils le disent pas parce que pourquoi? Parce qu'ils essaient de monnayer un maximum de ronds, parce qu'on en est toujours là, on veut maximiser les ronds. Et pour l'instant, les ronds à l'étranger, ça court pas les rues, hein, parce que la valeur du championnat français, elle est quand même bien redescendue. On est à combien maintenant? On est entre 500 et 600 millions avec Amazon qui paye genre 200 et quelques, et Canal Plus qui paye 300 et des bananes. Et qui les payera plus dans 2 ans. Parce qu'ils en ont marre. Donc ça veut dire que la valorisation du football français sur le territoire national, c'est environ 500 millions à l'année. Et à l'étranger, je sais pas comment ça doit être, mais ça doit être vraiment cutchy, quoi. Ça doit être peanuts. Donc, quel air complice? Bah, il en fait partie, comme tous les autres présidents de football, de clubs professionnels qui sont allés. Les mecs, pour quelques ronds, ils baissent la tête et en avant, en voiture Simone, quoi. En avant Guingamp, comme on dit à la fédé. Ouais. Ah ouais, putain, mais c'est une saison de merde, en fait. Alors, Calcio, est-ce que tu trouves que c'était une saison de merde? Toi qui a quand même qui a fait quasiment tous les matchs comme speaker, ça. Quasiment tous. Ah oui, t'as eu un petit malaise. Ouais, c'est ça, contre Marseille. Et du coup, j'ai raté Montpellier derrière. Mais une bonne saison, oui, même si ça se finit finalement pas très très bien, hein, parce qu'on finit pas européen et que les déplacements à Chypre, au fin fond de la Lettonie, ça aurait été quand même assez bandant. Hein. Ouais. Après, est-ce que c'est meilleur qu'une saison où on gagne une Coupe de la Ligue? Je sais pas. Dans le jeu, oui. Maintenant, la toute fin, je sais pas, on reste peut-être un peu sur notre fin, ou pas, hein, mais les derniers matchs, globalement, ont quand même été très poussifs. Vous avez pas reçu le courrier de Marc Keller pour le réabonnement? Si, mais pourquoi? Parce que je m'étais déjà réabonné. Mais tous les ans, il t'envoie un courrier alors que t'es déjà réabonné. Et là, il n'y a pas des économies à faire, pardon. Mais lui, il a quand même dit qu'il n'y a pas à être déçu de cette fin de saison. Tu fermes ta gueule et tu reprends ton abonnement. Ouais. Et il était long, la lettre? Oui, il fait toujours trop long. Qu'est-ce qui se passe, là? Pas reçu. C'est le point commun entre Keller et Macron, ils font toujours trop long. Ah, il a raté le cours de concision, en fait, il l'a raté. Il était pas là, il a séché. Et surtout, c'est toujours le même papier en tête depuis 15 ans, quoi. Je pense qu'il y avait stock le titre de champion national dessus. Il a repris le club. Tu n'as pas le droit d'être déçu. J'ai pas reçu le la parole kellerienne dit. Ah, mais après, bon. Écoute, Tico, t'as pas le droit d'être déçu. En Kelleri, non, ça. Finalement, le sujet de philo étant passé hier, mais est-ce qu'on peut être déçu finalement d'une place qu'on n'a pas eue mais qu'on ne joue pas? Qu'on ne devait pas avoir. Ouais. Voilà. Alors là, moi, je te réponds. Moi, ça a décuplé ma frustration. Et effectivement, moi, le match de Marseille, je l'ai très mal vécu, parce qu'il y avait deux écoles. Il y avait effectivement l'école genre, on a quand même fait une super saison, c'est vraiment pas mal, et il y avait l'école où on était dans le putain de manège et on a failli attraper le putain de tirlipimpon où on avait déjà payé 5 tours pour essayer de l'avoir et là on l'a loupé, tu vois. Si je peux faire une incise. Bien sûr, incise-moi. Et on peut citer John Cleese qui dit lui-même, ce qui me tue, c'est pas d'échouer, c'est l'espoir. C'est ça qui tue. Ouais. Et là, ce qui tue, on aurait été très content 8e, même 13e. Je suis assez d'accord, l'idée, on y a cru et putain merde non. Voilà. Et peut-être que l'année prochaine, on va galérer comme c'est sûr. Des brutos. Ça s'appelle la régression à la moyenne. Ça s'appelle la régression à la moyenne. C'est normal. Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, bah, tu surperformes, à moins de passer un cap, d'investir, Marc Hélène, de manière conséquente, tu passes pas le cap. On va peut-être jouer le titre, hein. Montpellier, l'année en titre, finit 5-6e aussi. Hein. Pourquoi je crois pas, champion de France. Ouais, mais tu vois, les clubs qui ont fait la... voilà, Montpellier qui est champion de France, du coup, d'ailleurs, ils n'arrivent plus à continuer leur performance, mais c'est pareil. Il y a un rare exemple, on va dire, c'est en Angleterre, c'est Leicester, il fait son titre, et depuis, il arrive à se maintenir, on va dire, dans le top 5 anglais. Alors que c'est un club très moyen, Leicester, si c'est pas... C'est même un club que... Certes, après, pour revenir sur l'aspect financier que tu disais, la Première Ligue a non seulement beaucoup plus de ressources à l'international et en national que la Ligue 1, mais a aussi une répartition des droits qui est plus égalitaire que notre championnat de Ligue 1, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc Leicester touche aussi des droits absolument énormes, qui fait que, comme beaucoup d'autres clubs anglais, ils sont capables d'acheter des joueurs quand même très chers. Et en plus, en Angleterre, l'avantage, c'est que comme tout le monde achète tout et n'importe quoi, si t'es pas trop con que tu prends des joueurs qui sont pas mauvais... C'est vrai. Alors... Ajorque. Ah oui, bon, voilà. Et toi, t'as pas vu Ajorque Agnew. Non, moi j'ai quand même préféré cette saison. Je pense que, en fait, pour le plaisir d'aller dans une ménopleine, mais ça, on en parle après. Oh, transition. Transition, mais pas tout de suite. Et aussi parce qu'on a effectivement, on a vu du football plaisant. Ça c'est vrai. On a vu des buts. On a vu aussi une équipe qui était capable de s'arracher pour ne pas encaisser de buts. Une palette pour revenir complète, au score aussi. Pour revenir au score. Et c'est un peu ce qu'on veut voir dans des matchs de foot et. C'est vrai qu'on est passé d'une ménopleine. Et franchement, je pense que je suis pas le seul à penser ça. Et... Non, il y a une question. Alors qu'il y a une question Minitel posée sur le site racingstube.com, dont on dit qu'ils auraient gagné un quiz récemment à cette ouais. Ah bon, je sais pas quoi. Une question de Doubtful qui l'a posée il y a 12 heures. Non, il l'a modifiée il y a 12 heures. Qui demande cette saison hors norme, puisque bon, il y a quand même, c'est quand même quoi que qu'on l'ait aimé ou pas, c'est une saison hors norme. Est-elle à mettre uniquement au crédit de l'entraîneur? Dans quelle proportion le consultant performance, souvenez-vous? Comment il s'appelle? Ce n'est pas Patrick Dupont. C'est Grégory Dupont. Oui, j'allais dire. Ah, c'est le mec de qui était au Real, là, ou je sais pas ouais. quoi. Oui, oui, enfin, il a dû faire un stage. Parce, bon, et à l'équipe de France aussi. Y a-t-il contribué? Alors, je voudrais quand même noter, Doubtful, mais bien des tirés dans a-t-il. Et donc, ça, j'apprécie beaucoup la façon de faire attention à ce qu'il écrit de Doubtful. Souvent les gens ils font. Non, mais sur le téléphone ça se met automatiquement. Ah merde, ok. Bah, T9, tout ça. Bah, il a un bon téléphone. Ouais. Donc voilà, est-ce que c'est uniquement Jean-Luc Stéphan ou est-ce que. C'est Patrick Dupont. C'est aussi Patrick Dupont, voire. Fila, Carole Fila. On ne sait pas ce qu'il fait. Carole Fila, peut-être ouais. qu'à l'entraînement c'est dingue. C'est une excellente question, maître Darkful. Doubtful. Darkful, ça serait peut-être un mec, c'est fan de JP Larky. Ouais, c'est ça. Là, c'est Doubtful qui doute. Plein de doutes. Ouais. Bah, pour répondre à la question, puisque c'est comme ça qu'on nous demande, on est un peu obligé. Moi, je pense que globalement, il y a un projet de jeu qui a été plus ambitieux que ce qu'on avait connu par le passé, avec cette, notamment, enfin, moi, ce que je retiens quand même, c'est ce pressing haut qui était super casse-gueule. Le nombre de matchs où on allait presser à 2, 3, 4 joueurs dans la surface de réparation adverse, ça signifie aussi fatalement que tu laisses des espaces dans ton dos. Donc ça, c'était effectivement ambitieux et ça supposait d'avoir une préparation physique aux petits oignons, ce qui était entre guillemets facile pour une équipe qui jouait pas la Coupe d'Europe, ni les tours préliminaires. Et j'en viens à un paramètre que j'ai déjà évoqué aussi et sur lequel je reviens souvent, on a quand même eu le cul de bord des nouilles au niveau des blessures. On l'a déjà dit. Ouais, alors est-ce qu'on a eu le cul bord des nouilles ou bien c'est le consultant performance qui a aidé à ne plus avoir autant de blessures? Alors là, putain, bien malin celui qui répond quoi. Hein. C'est ça. Après, je suis pas fan des gens qui accablent les préparateurs physiques quand les joueurs se blessent. Sauf si c'est Gilbert Gass qui fait toute la oui, préparation. Oui, avec comment il s'appelait, je sais plus, Quétin. Oh, il avait Simon Zenke aussi. Hein. Ouais, ouais. Qui en termes qui joue avec Bolsheim, hein, si je ne sais pas. Qui en termes d'hygiène de vie est pas. Oui. Oh, on n'est pas allé le voir, on avait dit qu'on irait. Pardon. C'est lui qui devrait venir le voir. Moi, je pense qu'il serait content. Il serait content. Charcuterie, fromage, tu serais pas perdu. Je pense. Donc, je pense qu'il y a, évidemment, il y a une part de réussite, mais en même temps, cette part de réussite a rencontré effectivement une ambition qui était assez élevée par rapport au standard du Racing. Moi, tu m'aurais demandé en début de saison, est-ce que ce projet de jeu de là, est adapté à l'effectif qu'on a en sortant de la saison qu'on venait de vivre avec Thierry Loret, qui était franchement poussive, j'aurais plutôt répondu non. Quoi. Est-ce qu'on va aller faire du pressing haut, relancer en passe courte depuis notre gardien je t'aurais dit, ce serait peut-être bien de faire un truc un peu plus conservateur, force de reconnaître que ça a plutôt bien marché. Alors, j'aime bien ce mot, ambition. Déjà, ça fait très série télé des années 80. Ouais, Bernard Tapie. Bernard Tapie. Non, mais surtout, c'est, effectivement, c'est un peu le mot qui colle bien à Marcel Stéphan. Parce quand il est arrivé, c'était effectivement ambition de prendre un coach qui joue et qui est un peu qui est pas qu'on n'attendait pas au Racing parce qu'on le voyait un peu plus haut. Ambition de dire on met les moyens avec un staff plus conséquent et on met des moyens sur la vidéo, sur la performance et ambition aussi où on a conservé quand même la majorité des joueurs entre les deux années. Donc je pense qu'il y avait une réelle ambition qui a été récompensée cette année avec une très bonne saison. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir continuer à être ambitieux? Est-ce qu'on va être récompensé? Ça, c'est deux débats complètement différents. Mais, juste quand même, on sait ce qu'il faisait, Grégory Dupont? Exactement. Les joueurs pouvaient lui téléphoner à n'importe quelle heure. Genre, salut Grégory Dupont, je peux manger une pizza? Il disait non. Alors, pas une pizza. Oui, Grégory Dupont, est-ce que je peux prendre un coca? Non. Est-ce que je peux boire de l'eau? Oui. Non, on ne sait pas ce qu'il faisait. Bah, c'était un pigiste, non? Il venait de temps en temps. Ouais. Alors, il venait de temps en temps leur faire un peu des. Alors, c'est Dimitri Liénard qui en avait parlé au local de la télé. Ah, exclusivité à deux. Ouais, voilà. Non, mais c'était quelqu'un lui avait posé la question et il avait répondu en toute honnêteté. Genre, effectivement, il est pas là souvent. Il leur a fait quelques cours un peu magistraux. Par contre, effectivement, il était toujours dispo quand les mecs ils disaient ouais, je sais pas. Et surtout, il leur a inculqué que bah, si tu veux être au top niveau, genre, tu peux pas te permettre le moindre écart. Alors, par exemple, Liénard, qu'on connaît tous, il avait dit ouais, il nous a dit genre, grosso modo, pour lui, cette année, les pizzas et le petit coca du dimanche, quand t'as fait un bon match, tu dis je me lâche. Eh ben, le mec leur a dit non. Ça c'est marrant le truc, mais tu vas mettre genre 4 jours à le récupérer. Donc en fait tu perds plein de choses. Il a dit voilà, si tu rates pas, tu peux mourir. Et donc je pense qu'il les a vraiment mis dans un monde, un monde professionnel, ce que souvent t'entends quand les joueurs ils viennent en Angleterre. Mmh. Les mecs te disent avant je savais pas que je jouais au football, j'étais en France, je sortais en boîte, je fais des trucs. Et là je suis arrivé là-bas, on m'a dit bah il y a de la muscu, il y a même si l'hygiène de vie en Angleterre a beaucoup changé. Hein. J'aurais te dire le Arsenal de Tony Adams, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais par contre, l'Angleterre avait, je pense, un marché. Ils ont été champions. Ils ont été, Puis on voit au niveau international, ça paye, quoi. Tu parles peut-être de la Hongrie. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, a priori, le mec était là et pouvait échanger pour. Et donc, il y a quelques joueurs. Moi, je pense, Liénard, c'est un bon exemple parce que c'est le mec qui est obligé d'être à 100% de préparation s'il veut pouvoir continuer à jouer à ce niveau-là. Ouais. Et donc, je pense que, voilà, lui, il a vraiment profité. Et après, tous les autres joueurs... Alors après, on va pas se cacher. Hein. Un Sissoko, je pense qu'il continue à aller au McDo. Hein. Bah, oui. Mais je pense que c'était une valeur ajoutée. Mais c'était dans l'ensemble du plan. Je vois Stéphane Cuny à la vidéo. Hein, qui a priori il y a quelques matchs où il disait genre ils avaient vraiment le mec il analyse il y a, au Racing il n'y avait pas ça alors dans les autres clubs il disait genre à Rennes maintenant il y a 3 ou 4 mecs qui font l'analyse vidéo à Strasbourg dans l'1 mais il y a 2 ans il n'y avait personne 2020 quoi. Peut-être Guy Feigenbrügel ouais. qui prêtait des DVD aux joueurs tu vois, genre, voilà. Donc, et donc tout ça passe dans un plan de d'essayer de passer un cap avec les maigres moyens supplémentaires qu'on a puisque Marc Keller c'est Saint-Marc Keller. Ouais. On n'a pas d'argent. Jamais. Il n'y a pas d'argent gratuit, dirait Marc Keller. Putain, c'est bizarre. Ouais. Non, l'argent magique. Il y aura des salariés recrutés à Bordeaux dans pas longtemps. Hein. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr. Ouais. Parce que genre, les mecs n'ont pas l'air au top de leur métier. Notamment le préparateur physique qui fait faire des gargarismes d'huile. De saumure de cornichon. Bon, pour éviter les crampes. Ouais, mais après, on critique. Un précurseur. Ouais, mais ça, c'est pas Big Pharma, tu vois. Ça, c'est pas Big Pharma. Ricazaraï, les bains de siège, tu vois. Exactement, tout à fait. Mais ça, au moins, c'est pas Big Pharma. Alors, attention, on est en train de perdre, Ricazaraï, on est en train de perdre tous les éditeurs qui sont nés après 98. Même ceux qui sont nés avant connaissent le nom, mais n'ont jamais vu un clip de Ricazaraï. Mais cette année. Tant mieux. Je m'imaginais quand même, pour revenir à l'ambition de Julien Stéphan, qui doit être quelque part celle de Marc Keller, mais j'arrive pas à m'imaginer Marc Keller ambitieux. Et j'imaginais, après les matchs. C'est une ambition raisonnée. Marc Keller qui arrive, il dit Julien, c'est bien le pressing haut, mais faudrait juste qu'on se fasse pas trop remarquer. Donc, si tu pouvais un peu te calmer, hein, faut quand même qu'on reste dans notre dimension. J'ai imaginé ça. À Marseille, tu lèves le pied. Hein. Ah, c'est lui, Gamero, qui du coup la met à côté. Ah, ouais, c'est ça. L'Europe, quand même, il faut trouver des tickets de train. C'est compliqué. Moi, je suis garé sur le parking du Vélodrome avec la Audi. Bon, et chacun de savoir, tu sais, quand ils ont négocié en début de saison la prime de victoire, tu vois, parce qu'au départ, Marco, j'ai entendu que bon, la prime de victoire, on peut la mettre un peu plus haut. De toute façon, il y aura peut-être 10-12 dans la saison, et puis ça s'arrêtera là, quoi. Et si on a déjà 10 victoires dans la saison, ben, on sera pas loin du maintien. Et machin, et les mecs là, quand ils commençaient à truc, ils se disaient ok, on a fini sixième, donc évidemment là on t'a une prime, hein, au classement, hein, qui revient, qui est forcément plus importante. Mais à mon avis, il y a une bonne partie de la prime qu'on a reçue de la LFP qui est repartie chez les joueurs, qui ont fini avec combien? On a fini quoi, je sais plus, 14, 15 victoires, on sait rien. Hein. Je pense qu'il a dû racheter les contrats en avril, hein, comme à l'époque, les bookmakers qui rachetaient le contrat de ceux qui avaient parié sur l'Eister champion. Ouais. Je vous rachète la prime de fin d'année pour 50 000 tout de suite et on en parle plus. Et je vous paye en bitcoin. Ils ont déjà mis la saison prochaine, c'est con, ce sera Racing Studio. C'est quoi ce site de merde? Donc, bon, c'est au final une bonne saison, mais pas une saison de déglingo. Ça, on peut le dire. Mais du coup. 17 victoires! Ça a coûté cher, 17 victoires. Il avait du budget de 6-10, le mec. Et donc, on revient à Grégory Stéphan. Oui. Est-ce que lui, c'est quand même la recrue de l'année? Bah, c'est soit il est bon, soit il est pas plus chanceux. Il est pas venu seul. Voilà, il est venu avec un staff. Il a répété. Alors, au début, ça peut paraître pour de la com, comme Marc Keller, je viens avec un staff. C'est de la com. Mais pour Stéphan, je pense pas. Ouais, il est venu avec Niamsi aussi, hein, qui a pas que un staff, ouais. Non, mais je pense que j'avais vraiment l'impression que tu travaillais vraiment plus en staff que Thierry Loret, où les adjoints étaient vraiment genre ses deux potes pour. Il est quand même venu avec Thomasson, avec Sissoko, avec Persic aussi, hein, je veux dire. Il est revenu quand même avec quelques joueurs, hein, qu'on a retrouvé. Hein, alors, il a perdu son temps, non? Stéphan, c'est un sans faute, hein, on va le dire. Enfin, même avec le public, il va saluer. Enfin, c'est fringue aussi. Ouais, c'est. Mais la jambe féminine n'est pas insensible. Juste le costard grenat. Le gros retour du col roulé. Hein, le col roulé, pardon. Et en plus, il avait effectivement sa dégaine de. Alors, soit série flic américaine, soit carrément Mac des années 70. Ouais. Il nous a fait quelques. Tu sais, côté Bullitt, quoi. Ouais, exactement. Moi, j'aurais dit American Gangster, tu vois, avec David Washington, il y a ce côté un peu. Et il lui manque un peu un truc pelle-à-tarte. S'il nous claque le pelle-à-tarte l'an prochain, là, c'est le roi du pétrole. Il y a un truc qui est bon pour. Enfin, surtout pour vous, moi, j'ai pas ce genre de problème, mais en plus, il montre que tu peux avoir un pull moulant et un petit birbourg, et que les gonzesses pensent quand même que c'est bien, quoi. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle le dad bod. Hein. Ça rassure, tu vois. C'est vraiment top, quoi. C'est ça, et le PEL, c'est. Et l'année prochaine, quand il va arriver avec la chaîne en or et les Rolex. C'est vrai qu'il a essayé différents styles aussi. C'est vrai qu'il doit même pas avoir 50 ans, je pense, à la Rolex, mais le mec, il a quel âge? Ah ouais, je pense qu'il a 42, je dirais 43. Ouais. Bah, il y a un site vachement bien fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, sauf que c'est con, ils sont passés en saison 2022-2023. Mais... Bah, a priori, c'est toujours lui l'entraîneur. Question du quiz que Racing Stub a gagné. Quel était l'entraîneur le plus jeune à avoir entraîné le Racing dans les années 2000? Ah merde. Bah, Ivan Hasek. Hein? Ivan Hasek. Faux. Ah bon? Il a 42, ce brave garçon. Dans les années 2000. Il a pas fourni, quand même. Comboiré? C'est. Il avait pas 40 ans. Alors qu'il a exactement la même tête aujourd'hui qu'il y a, bah, du coup, 15 ans, là. Ouais, mais ça, c'est. Il a 30 ans quand il met sa tête qu'on peut rien. Bon, c'est parce qu'il a juste il a pris quelques tailles de pantalon. Pareil qu'il est à deux naissances, en plus, vraiment. Ouais, il est gagné dans un département français. Non, pas un territoire. Ils ont pas de numéro de département. Ils ont quoi sur la voiture en Nouvelle-Calédonie? Ah, bah, déjà, je pense qu'ils ont pas de voiture. C'est ce qu'on a eu. Ils ont 900 quelque chose. Mais déjà, c'est bien un territoire qui va un jour finir par être indépendant, vu qu'à chaque fois, ils font un référendum pour dire « Vous voulez pas être indépendant ?» Et les gens finissent par répondre non, et 6 mois plus tard, ils reposent la question. Donc, à un moment, ils vont céder, quoi. Bah, c'est du harcèlement, ça. Ouais. Ouais. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il est jeune. Il est beau, il est jeune. Donc, Yvan Stéphan. Le sable chaud. Mais effectivement, Yvan Stéphan n'aurait rien été sans ses joueurs. Ouais. Alors là, il y a un truc. Les gens me réclament. Moi, j'ai reçu des SMS. Et un top 3. Allez, on dit un top 50 des meilleurs joueurs. Ça fait un peu beaucoup quand même. Alors, donc mais là, chacun va faire son top 3 de ses joueurs préférés. Moi, le coup de cœur, c'est quand même pour Magin Waris. Hein. Qui nous met ce but contre Montpellier. But de l'espace. Parce qu'à ce moment-là, le but derrière, là, on voit même pas qu'elle rentre. Hein, et pas parce que c'est Waris, même si quand même un peu. Hein. Mais Waris, quand même, nous relance dans ce match où on est au coude à coude avec Montpellier. Hein. C'est vrai. Ça, c'est un match, et il n'est pas facile à mettre, ce coup. Et il est vraiment difficile à mettre. Donc, c'est vrai. Il était un peu, ouais, venu. Donc il est dans ton top 3. Voilà, Waris qui nous quitte. Vas-y, vas-y, tu fais ton top 3. En quelle position, du coup, Magic? On va le mettre en numéro 1. On va. Faut sinon, pas. Un vrai top 3. Alors, moi, attends, je vais noter les tops. Niamsi en premier, hein, sans hésiter. Meilleur jeune, meilleur recrue. Meilleur recrue, meilleur défenseur. Meilleur short. Ouais, c'est meilleur short. Meilleur portage de short, c'est lui. Oui. Ouais. Le Pogacar du. Le Pogacar, je mettrais à Jorque aussi, hein, qui a quand même. Qui a fait une bonne saison, même si c'était plus compliqué à la fin, mais on a vu quand même qu'il était très très important. Oui, il était plus motivé parce que il avait déjà eu ça. Ouais, oui. C'est ce que j'ai entendu au PMU du coin, donc je pense que c'est vrai. Puis il a eu la malédiction de il va aller en équipe de France, et puis après, bah, tu fais comme d'habitude. Mais et donc un troisième joueur. Bah, du coup, mon troisième c'était Waris. J'ai mis Waris. Et tu assumes un très beau choix. Bah, c'est un magnifique top 3 de joueurs qui ne seront sûrement plus au Racing l'année prochaine. Ça fait plaisir. Qui se lance? Alors, Waris, c'est sûr, hein, parce qu'a priori, il n'a pas été prolongé. À Jork, hein, ce qu'on appelle une bonne sortie. Bah, je vais y aller, hein. Vas-y. Bon, bah, moi, alors, j'hésite entre. Tu peux pas copier sur. C'est ça, j'hésite entre faire des blagues pour rigoler ou dire vraiment ce que je pense. J'en sais rien. Je mettrai Thomasson quelque part. Je sais pas où le mettre, mais c'est ce que disait Thierry Laurent. Thierry Lauré. Je vais mettre Thomasson quelque part. On verra bien. Je mettrai quand même. J'ai envie de mettre Cels. Mmh. Parce que autant la fin d'année 2020-2021, je l'ai haï, mais vraiment haï très fort. Autant là, je l'ai trouvé impliqué dans les matchs vraiment importants. Alors, il s'est pris des buts, hein. C'est pas la question. Mais dans les matchs vraiment importants, simplement son body language, c'est-à-dire le langage de son corps. Je trouvais qu'il m'avait l'air justement hyper impliqué pour le coup, même quand la défense parfois coulait, quand Perrin faisait des blagues. Je trouvais qu'il avait l'air là, quoi. Mais bon, c'est du feeling, hein. Et moi, je sens des vibrations. Moi, c'est comme ça que je vis le foot. Tu vois. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'ai Thomasson, Cels. Donc, je fais un peu fait du slip, on est d'accord. Mmh. Et sinon, je mettrai pas Gilbert. Ça me fait chier. Je mettrais en 3. Est-ce que tu peux pas d'abord donner un joueur que tu mettrais pas aussi, peut-être pour le suspense? Alors, j'avais envie de mettre Kawashima, mais je vais pas le mettre, du coup. j'ai pas envie de mettre Fila. Pourtant, il a l'air sympa. Ouais, mais il a l'air sympa. Franchement, il a l'air vraiment sympa. Franchement, le mec, dès qu'il parle français, on peut l'inviter. Voilà, c'est-à-dire pas tout de suite. Mais non, j'ai pas envie de mettre Cassie parce qu'il s'en va. Même s'il aurait pu prétendre au top 3 parce que c'est le joueur le plus utilisé, hein, il me semble. C'est pas dans en nombre de matchs. Tu me dis, hein, si à un moment on déborde sur le fameux quiz, il y a quiz, les gens, je peux. Ah ouais, pardon. Restez à l'écoute. Ouais, il y a quiz. Ça sera à peu près entre la 23e et la 180e minute. Donc, moi, je pense que je vais mettre un outsider. Je vais mettre Play. Alain Play, ouais, effectivement. Il a un peu fait parler de lui. Ouais. Voilà, ce sera mon top 3. D'accord. Et ça vous fera la bite. Après, qui ose prendre la main après ce top 3 Danteuse. Baroque. C'est pas ton nom. Hein. Exact, j'ai mis Strotil. Mais non, cela dit, moi, ça va pas être très différent. Moi, effectivement, celle, c'est Thomasson, je les mets dans mon top 3. Alors Thomasson, il a un truc qui m'énerve au possible, c'est chaque saison il prend au moins un rouge complètement débile. Mmh. Parce qu'il fait des fautes de boucher au milieu de terrain qui servent en plus à rien. Enfin, quitte à découper un gars autant que ça sert à un truc, ouais. Voilà, oui, bien sûr. Je sens que ça le soulage quand même. Voilà. T'arrange un peu. Oui, effectivement. Mais c'est comme ça où tout le monde te faisait des tresses, comme quoi c'était le footballeur intello, mais c'était quand même une grosse pute sur le terrain, on peut le dire depuis le temps. Toujours une grosse pute. Il fait pas un truc en ce moment intellectuel? Non, il fait toujours un truc intellectuel. Si Motus était encore, il serait candidat. Traducteur à l'OM. Ouais, mais il a pris du galon, il a fait directeur sportif ou un truc de genre. Enfin, à l'OM? Oh non, pas directeur sportif, mais il fait partie de l'aventure. Directeur du football. Ouais. Concierge de luxe. Il s'occupe du badminton. C'est ça. Et en troisième, j'aurais bien mis notre ami Gilbert quand même. Donc Gilbert. Ouais, Gilbert. Enfin, Thomasson et Sels. Ouais. Mais je mettrais Sels en premier quand même. Ah ouais. Bah moi, je pense qu'une équipe, ça commence par les fondations, hein, pour rester dans un bon sens paysan que Marc Keller chérit. Et clairement, la fameuse saison de l'horreur, c'est ce qui nous a quand même manqué, c'est qu'on n'avait pas un gardien. Très sûr, et derrière il y avait une fébrilité qui se communiquait à la défense puis par capillarité à toutes les lignes, et là Sels a pas fait une saison exceptionnelle, mais il a fait une très bonne saison, et surtout il a fait une saison très régulière. Mais alors moi ça me surprend quand même, parce que j'avais lu un classement très cher à toi JP Darky, hein, sur les expected goals. Ah oui, ah bah là. Et je crois que notre ami Sels n'était vraiment pas très bien classé, hein, sur ce classement. Bah écoute, j'irai le chercher à l'occasion. This is provocation. Yes, I am. You want me to take my car and go back to Paris? Yes. Saint-Louis. Saint-Louis. Missouri, exactement, avec l'arche jaune. Donc ouais, dans Sels, peut-être pas, enfin, il n'y a pas un match où je me dis le mec, ça a été le mur. Mais en même temps, il y a eu cette espèce de sérénité, de capacité aussi à initier ce jeu court quand on relance depuis notre but et alterner entre jeu court et jeu long. C'était pas mal. Thomasson, à part ses cartons rouges débiles, il a été très très actif. Il nous a mis quelques très très beaux buts de la tête. C'est un des joueurs qui a un bon jeu de tête, ce qui est très rare dans le championnat de France. Y compris hors de la surface. Oui. Ce qui est très rare dans le championnat de France en ce moment, parce que finalement c'est là que tu vois qu'on est un peu un championnat de seconde zone, c'est qu'on a très peu de bons joueurs de tête comme on pouvait en avoir dans les années 90. Thomasson au final est un joueur des années 90. Un peu, ouais. Et Gilbert, alors là aussi hein, beaucoup de déchets chez Gilbert, mais bon, une grosse activité quand même. Je trouvais que c'était pas mal, qu'il impulsait pas mal de choses sur son côté. Et puis un côté sympa avec le public, très premier degré. Ouais. Le coup des roulades, moi j'avoue, c'est, je suis bon public pour ce genre de conneries. Quoi. Pour moi, la faute, c'est d'avoir mis ses enfants en dernier match. Ah mais non, ça tu fais pas quoi. C'est pas punk quoi. Ouais, alors je t'avoue que mon petit cœur de midinette, les gamins là qui mettaient des buts et le cop qui applaudissait, ouais. J'avais presque envie de regarder les matinales sur France 5. Ah ouais, mais moi tu vois, quand les gens ont des enfants plus beaux que les miens, ça m'agace, et puis je deviens aigre. Dis le mec dont le fils était genre un petit blondinet sur le terrain de la Méno. A marqué en CFA2 à la mi-temps. Moi je suis extrêmement déçu des trois premiers top 3. Quoi? Je suis extrêmement déçu. Play, ça peut pas te décevoir. Je suis très déçu. Je vais te le donner en 3-2. J'écoute. En 3, bon, je vais faire très classique Thomasson, parce que c'est vrai qu'il a été bon quand même. Il faut le reconnaître, c'est un joueur. Ouais. En 2, bien sûr, Niamsi. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait que dans deux top 3. Non, que d'un. Ouais, voilà, le tien, maintenant. À 2. Et en 1, un joueur qui n'a pas été cité. Persic, il a été élu meilleur joueur de la saison par tous les supporters du Racing. Mais bien sûr. Persic. Bah oui. Le retour. Oui. Le Highlander, le mec est toujours là. Il doit en rester qu'un. Ça sera Persic. Est-ce qu'il a re-signé avec le Racing? Ouais. Oui, monsieur. Oui, mais il a re-signé pour 3 ans. Tu vas en bouffer du Persic. Il n'aura pas marqué. Il a marqué 30 mètres. Oui, mais des 30 mètres. Une balle avec une courbe soyeuse, je sais pas quoi, patin couffin, j'ai entendu des mecs en parler. Il reste. Il faut qu'il le marque, ce putain de but. Ah bah, y a des mecs qui ont mis la corde à force de spignoler sur ce but de Persic qui viendra jamais. Et après, on en est débarrassé. C'est un très beau top 3. Persic! Est-ce que je peux te poser une question? Mais t'as vu ce joueur, il fait une saison, la dernière, blacklisté par votre ami Loret. Dégueulasse. Il revient. Il vient nous apporter sa technique de passe courte, longue, en marchant. Latéral. Persic marche. Ouais, il faut le savoir. Persic marche. Ouais. Mais, comme les grands joueurs, il n'a pas besoin de courir. Dans le rond central. Dans le rond central. Et là, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il est tellement bon qu'en équipe nationale de Bosnie, qui est quand même une grosse équipe, qui joue la Ligue des Nations B. Oui, bah, qu'on va bientôt. Et ben, le mec, il dit, il nous faut Persic dans l'équipe. Et le mec joue titulaire. Alors, je suis d'accord. Alors, évidemment, c'est vrai. Hein? Après, de très grandes qualités dans ce que tu dis, enfin, tout ce que tu dis bien, les passes sont superbes et elles surprennent l'adversaire par leur latéralité, je pense. Par le fait qu'on ne cherche pas à trop... Là, tu as copié une question de... Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment génial. Enfin, peut-être. Et la coiffure. Moi, c'est la coiffure que je... Ah bah c'est propre. Hein. C'est... Il y a une coiffure assez vintage en fait. Ouais ouais. Il y a un côté Agnès Varda. C'est ça. Vois, hein, mais un peu manga aussi. Tu oui vois, c'est ça. Astro le robot. Ouais. Aussi, un petit peu. Ça reste plus élégant que tout ce que vous citez quand même. Tu vois d'ailleurs quand il fait la passe, les cheveux surtout, comme ça. Et surtout. Mais Persic en début de saison, qui misait un copec? Rien. Personne. Et du coup, fatalement, c'est la bonne surprise. Ah oui. C'est comme Yamsi. C'est pour ça que pour ils sont 1 et 2. Yamsi, tu dis, ouais, on prend un défenseur central de Rennes. Putain, personne ne le connaissait, ce mec, à part Arthur, qui doit, voilà, ouais. Qui savait toute sa vie. En fait, quand il est arrivé, on a quand même vu que le mec, physiquement, déjà, il avait le physique du défenseur. Il fait une passe d'aise contre Metz pour commencer, ce qui est pas une mauvaise voilà. Idée. Mais je veux dire, voilà. Et donc, c'est des mecs, moi, j'attendais pas grand chose d'eux. Ouais. Et du coup, j'ai été ravi, quoi. Il y a des mecs qui ont été à leur niveau. Alors, Thomasson était plus ou moins au niveau escompté. Un joueur que il met un peu moins de buts, mais il fait ça, je sais plus, 10 douzaines de buts dans la saison. Bah, c'est ce qu'on attendait. Moi, Gamero, si j'avais mis une pièce, j'aurais dû entre 8 et 10 buts. Il finit, je crois, 11, un truc comme ça. Pour moi, il était au niveau escompté. Mais ça, ces mecs-là, ils ont surperformé. Et d'ailleurs, il y a une vraie question sur Persic. Je peux pas y croire. C'est une question Minitel sur Twitter. Alors c'est un site Twitter, enfin c'est plus qu'un site, hein, c'est un réseau social. Hein. Alors est-ce que c'est un bot qui Elon Musk de ben, je ne sais pas. Elon Musk de Strasbourg demande est-ce que c'est un bot un faux compte? Eh ben c'est possible, à lui de nous confirmer. Donc @stseb67. Si tu n'es pas un bot, envoie de l'argent pour le prouver. Parce que je crois pas que les bots envoient de l'argent. Et la question de STSEB67 est Persic avec un S, t'as vu? Ça va pas, faut respecter. Élu meilleur Strasbourgeois de la saison, surcoté ou légitime? Alors il donne son avis, il répond. La raison, il faut toujours répondre à ces questions. Bah, ça, c'est comme les gens qui appellent le téléphone sonne, ils posent jamais une question. Ouais, ils donnent leur avis. Ils ont un message. À mon avis, il a surperformé cette saison, mais cela est aussi beaucoup dû au fait que l'on n'attendait rien de lui. Et voilà, après une saison, en passant avec le. Donc là, quand il dit qu'il a surperformé, on est d'accord que c'est. Donc l'année prochaine, on va être déçu. Ah ben normalement, ça dépend ce que t'attends. Sont à la moyenne. Là, du coup, t'attends la confirmation. Mais c'est un peu comme le gars qui se trade en première. Et il y a le bac qui arrive et il claque un 14 ou un 15 en philo et à la soirée de fin d'année il emballe la gonzesse, tu vois. Enfin, ouais, c'est Persic. Est-ce que l'art change le monde ou le mec qui se planque dans le peloton et qui règle tout le monde sans avoir pris ses relais, tu vois. C'est là que tu vois qu'on a fait une saison de merde parce qu'on saurait même pas désigner un joueur, hein, tout ça. Alors attends, c'est comme ces saisons où on finit 20e. Il y a pas une saison un bon joueur quoi, mais genre Metz, tu vois, qui est le meilleur à Metz cette saison? Thomas Delaine, je pense. Les saisons où on est dégueulasse, c'est toujours très facile de sortir un gars du lot pour dire yo au moins lui. Ouais, c'est comme court, ça. Hein, c'est comme ça que Lienard a commencé sa carrière au Racing. C'est que la saison horrible qui n'a pas existé. C'est le seul qui mouille un peu le maillot au milieu de toute la palanquée de connards là, qui c'est exactement comme ça que j'aurais décrit cette saison. Et tout le monde fait oh mais faites-moi moi Lienard lui c'est secoué là, tu vois. Et au final il a construit sa carrière là-dessus. Il y a toujours un gars qui te sert d'antonyme, tu vois. Alors cela dit, ça pourrait marcher dans ce cas-là, on pourrait avoir un bouc émissaire et Waris, on n'était pas loin sur certains matchs, mais effectivement, il nous a mis un ou deux buts. Est-ce qu'on a vraiment une tête qui a été sifflé et qu'il y avait un article dans les DA? Gamero sur les pénaux. Mais moi, j'ai un petit peu menti en numéro 3, honnêtement, je voulais mettre Gamero. Parce que je donc trouve je vais que. Mettre Waris Gamero. Ouais, voilà. C'est à peu près pareil, hein. On est sur la même carrière. En 2,5 Gamero, du coup, hein, parce que je veux dire, il fait une saison, il fait globalement une bonne saison. Et au niveau de l'attitude, il aurait pu venir en jouant la star un petit peu, et ben pas du tout. Ça, c'est et bon. Finalement, moi je trouve qu'il fait une bonne saison, même s'il rate à peu près 50 pédos. Hein. Mais bon, ça sert à deux sur trois. Et trois éléphants qu'on a dans un couloir à Marseille. Il rate des pénaux, il rate des buts tout fait, mais les contrôles du mec. Le jeu sans ballon. Le travail défensif. Ouais, moi je. Après, j'ai envie de te dire, il n'y a qu'une seule star au Racing. Hein. C'est le football. C'est Marc Keller. Excusez-moi. C'est vrai. Marc Keller qui a marqué contre le Brésil. Est-ce que Gamero contre Brésil. Est-ce que Gamero marqué contre le Brésil contre la Bulgarie, hein. Kostadinov, tout ça. Est-ce que si on avait eu Marc Keller, ce serait pas passé comme ça. Exactement. Est-ce qu'il joue le tournoi de France, Gamero? Est-ce que le tournoi de France existe encore? Non. Est-ce que Gamero suce la bite à Noël Le Graët? Voilà, alors mon top 3. Gigas. Bah oui, bien sûr, parce que pour départager. Hein, tu commences en 3 ou 1? Mais c'est. Pff, moi je. Ça, c'est pyramide là. En 2. C'est parce que j'ai. En 2. Ironton, en 2. Non, mais je pense qu'il faut être. Moi je vais mettre en numéro 3, je vais mettre Anthony Cassi. Ah Comme c'est mignon. C'est très beau. Voilà, parce qu'il a quitté sa copine et bon, c'est pas grave. What? Oh, la nouvelle. Ça, ah, il y a une nouvelle. Je crois qu'il y a une nouvelle. Ah, putain, mais pourquoi il n'y a pas les photos sur ouais, le... C'est quoi le bordel? Insta? Ouais, moi, nous, on est vieux. Qu'est-ce qui s'est passé? On te vend pas les photos. On envoie les photos par fax de Instagram. Qu'est-ce qui s'est passé? Une allergie au lactose? Je pense qu'elle n'aime pas l'Allemagne. D'accord. Voilà, bien. C'est assez courant comme sentiment. Pourtant. Voilà. Ouais, mais, ouais. Alors, Anthony Cassie, pourquoi? La belle histoire. Le mec, on pourrait écrire des livres. Comment ça s'appelle? Charles Dickens. Oliver Twist. David Copperfield, Oliver Twist. Et c'est pareil, ça. C'est de toute façon, c'est des connards qui. Les magiciens. Voilà. La belle histoire, il est arrivé, il n'avait pas de chaussures, il n'avait jamais mangé de sa vie. Ah, quelle erreur il avait mangé. Bon, il a fait payer à manger d'abord. c'est comme les mecs, il doit racheter son passage. C'est l'éthique des restos, c'est quand même lui sur la fiche de paye. C'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps, parce qu'il lui a fallu tout ce temps pour rembourser sa dette. Et lui, il n'est pas parti avec une télé. Contrairement à un château. Voilà, donc ça, le fait qu'il ait quand même joué la saison à fond alors qu'il était barré en janvier, c'était classe. Et le but face au PSG, quand même. Ouais. Et voilà. Son agent? Connard. Je connais pas. Il ne serait pas un vrai agent, apparemment. Hein, selon ouais, il a un vrai. À tort. Alors, numéro 2, c'est là où j'ai le. Je ne sais pas. Kenilala. Oui, j'allais dire, tu commences là. Non, c'est pas là. Évident. Jette-toi à l'eau. Je pense que je veux dire Habib Diallo. Ah oui, il joue. Ah, c'est parce que personne ne l'a cité. Et donc, il mérite. Il a apporté sa pierre à l'édifice. C'est vrai. Avec, effectivement, je pense, le mec le plus chiant à regarder, horripilant à regarder de toute l'année. Mais il a mis ses buts. Ouais. Souvent important. Tout ça, on a eu l'air de s'en foutre. C'était bon. Oui, ça, c'était super. Ça fait plaisir. En plus, deux buts un peu bizarres, tu vois, machin, contre Metz, là, et il profite bien. Il Cette célébration où il a les mains dans les oreilles. Oui, bien sûr. Et par contre, donc voilà, donc Habib Diallo, parce qu'il n'a pas été cité, parce qu'il fait le taf, et parce que j'espère que ça permettra de lui faire gagner 1 million d'euros sur le futur transfert à Wolverhampton. Ouais. Et donc, voilà. Et avec ma com, bien sûr, Marc. Être cité à Radio Stoub, ça fait flamber la tête. Moi, je trépigne d'impatience de savoir qui est le numéro 1. Bah, moi aussi, j'en peux plus. Ah non, le numéro 1, alors, hyper classique. Moi, c'est Kevin Gamero. Ah oui? Alors là. Ah, la fanzouz. Le retour raté au Racing, c'est un classique. Ouais. Surtout que le numéro 9. Voilà. Yacine Abdesaki, encore, il a laissé pas le plus raté. David Zitelli, Il était Collet. Pascal Johan, Pascal Johan, effectivement. Voilà. Collet, ça marche même au basket en fait. Hein. Belaïd, voilà. Donc Rodrigo. Pontus Farnerud. Ah putain, mais oui, c'est vrai. une flopée de retours. Et là, le mec. Il n'y a quand même pas de chaud dans l'eau. Sikimic. Stéphane Noro. Et Gilbert, en quelque sorte, il est revenu. Bah, il est jamais à chaque fois, il s'en va, il revient. C'est différent. Ça s'en va. Mais du coup, Kevin Gamero, il revient quand même avec des grosses expectations. Des expected goals. Des jeunes. Et tout le monde se dit, et au début, le mec, il est pas du tout, il sait plus marcher. Comment on fait pour marcher? C'est quoi? C'est un ballon? Oui, c'est un ballon, Kevin Gamero. Et finalement, deuxième partie de saison, début de saison, début d'année 2022, Ouais. Et surtout, je me dis, si je le mets là, dans le top, il va nous faire un super début de saison. Ouais, c'est sûr. Et donc là, voilà. Et du coup, on peut enchaîner avec Pénaud, quoi. Ah, il y a une question Minitel. Ah bah. De notre plus grand auditeur. Rose 3, évidemment. Ah. Connu sous le pseudonyme assez étrange de @NicolasLacac. Sur Twitter. Nicox. Nicox, tout à fait. Et qui nous demande, parce que ça, c'est la suite logique, tout est organisé, quel est le MVP pour vous de cette saison? J'ai une réponse assez simple. Ouais. C'est le numéro 1 de chaque top 3. Sûr. Mais est-ce que tu fais au plus? Oui, mais on n'a jamais le même. Ah bah oui, mais ça, moi, on peut ne pas être d'accord. Ça, c'est le problème de réponse. Encore un classement Worry the dernier. Faut que tu pondères. C'est les reports de voix de la Nupes. Ah non, je calcule, on y va. Tut. Eh bah, c'est Niamzi. C'est lui qui est cité plus souvent. Bah, il est 1 et 2. Et Gamero, il est 1 et 3. Bah oui, je pense celui qui est le plus. putain, c'est un par un. Toi, t'as fait des études de maths, non? Celui qui est le plus cité, c'est Thomasson, je pense. Ouais, ouais, mais trois fois. Mais une fois, bah, il est jamais en 1. 2, 2, 3. Il est jamais en 1. C'est... Et le 1, c'est la gold médaille. Tu peux pas. Bah, tu peux ah, pas c'est comme les compteurs de médailles au JO. Ouais, c'est ça. Et donc, le verdict est tombé. Pour Radio Stoub, le MVP, c'est Niamsi. Eh ben, écoutez. Bravo! Alors, par contre, autant inviter Gamero pour picorer 2-3 trucs, ok. Alors, inviter Niamsi, par contre, faut. Non, il faut que tu ramènes faut l'inviter aussi. Il faut pas l'inviter au resto. Ouais, c'est autre chose. Bon, bref. Ouais, je l'ai dit, il est super mobile par rapport à son gabarit. Moi, c'est un des trucs sur lesquels ce mec m'a surpris. C'est que quand il part sur une course, franchement, il est pas aussi rapide qu'un Jiku, par exemple. Mais. Il se tient quand même pas mal. Par contre, il merde moins sur les passants rentrés. Il est Saint-Etienne? Ah, putain, ouais. Ouais. Ouais, mais, ouais, t'as raison. Non, par contre, il avait lâché des tacles, enfin, des tacles, genre, il a fait quelques tacles à la Desperado. Ouais, qui était magnifique. Et la question suivante qui va avec, c'est quelle est la révélation? Parce qu'une révélation n'est pas forcément dans le top 3, mais une promesse, toi, comme une. Alors, là, j'ai envie de te faire une réponse assez paradoxale, j'ai envie de dire Liénard. Ouf. Ah oui. Parce que Liénard dans son rôle de piston, moi je n'y aurais jamais cru. Ça demande quand même un certain coffre, hein, surtout dans un système comme ça où on demande aux latéraux ou aux joueurs de couloir, appelle ça comme tu veux, de vraiment faire ou les pistons pour reprendre la vulgate de la télévision. Ça demande physiquement quand même un certain coffre et Liénard est un joueur qui physiquement et endurant, mais c'est pas non plus la première capacité à laquelle on penserait chez lui. Et après, il sortait quand même de plusieurs saisons qui étaient toujours complètement chiche, Trotim, en prenant les bouteilles vides et pleines. C'est pas grave. Ça c'est la magie du direct. Hein. Ouais, des saisons un peu à moitié. Ouais, je dirais pas mieux que mes raisins, parce que ce serait un peu sévère. Mais pour moi, Liénard n'est jamais aussi bon que quand il est inséré dans un système tactique où quelque part il est un maillon d'une chaîne très resserrée, comme quand il jouait relayeur gauche l'année de Ligue 2. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a énormément d'énergie, une très bonne technique, un très bon pied gauche, beaucoup de hargne, mais qui en termes de vision du jeu jusqu'ici n'était pas spécialement génial et avait tendance un peu à se perdre. Et il était bien meilleur quand tu faisais jouer relayeur gauche avec deux joueurs très près de lui que quand tu faisais jouer meneur de jeu, par exemple. Et là, il se retrouve avec un poste où il a énormément de champ devant lui, où il a énormément de décisions à prendre. C'est-à-dire, est-ce que je monte, est-ce que je monte pas, comment je me coordonne avec les milieux, avec le latéral en face. Et il s'en sort pas trop mal en mettant ses quelques buts au passage, parce que c'est aussi le mec qui arrive toujours à mettre 3-4 buts dans la saison d'une façon ou d'une autre. Donc, franchement, Liénard, même si c'est le plus ancien au club, j'ai envie de dire... petite révélation pour moi. Je l'aurais pas cru capable de cette saison-là. Et je le trouve bien meilleur en piston ou latéral gauche qu'en 6 ou en 8, comme il avait un peu joué quelques matchs il y a un an ou deux. Ouais. Ouais. Une autre révélation? Non, mais c'est bien, c'est original. Mais ça sent un petit peu réchauffé, j'ai envie de te dire. Je te dis, mais ça, Liénard. Ouais, bah, Liénard, c'est la carte. Non, non mais c'est vrai. C'est comme le commentaire de texte au bac de philo, quoi. Mais c'est vrai que tout le monde adore toujours Liénard. Ouais. Ou on aime le détester aussi, ça dépend. Oh. Ah, mon épouse le déteste. Ah. Moi, j'ai une révélation un peu différente. Moi, j'ai bien aimé Carole Fila, parce que le fait qu'il ait pas beaucoup joué cette année. Tu vois, il a été bon dans ce qu'il a pas fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a été bon, il a rien revendiqué, il arrive dans un pays, on va dire, d'Europe de l'Ouest, pour faire simple. Il comprend pas la langue, il a du mal à se faire comprendre, et il a pas, il a pas réussi à s'imposer, on sent que dès qu'on pouvait compter sur lui pour 3 minutes 22 à la fin d'un match, il était là. Il était là, et par contre, il a battu quand même un record de cartons jaunes, je pense, en nombre de minutes passées sur la pelouse. Et ça, je sens que c'est un joueur qui a l'ADN Racing, tu vois. On va marquer l'air. Le mec, il a l'air d'avoir l'esprit. Il met le pied. Ouais, il met le pied et je pense qu'il va casser de la jambe. Et ça, ça me plaît. Par contre, quand il va maîtriser le français, on risque d'être surpris quand sa première question, ça va être. C'est bizarre le hockey sur glace en France. C'est possible. Mais ouais, Carole Fila, ça va être quelque chose. Comme Guibert pourra pas venir ou il viendra comme d'habitude début septembre, voilà, fin du mercato. Et ben en entre-temps, on va le revoir tout le mois d'août. On va pouvoir se régaler, nous les fans de Carole Fila. On pourra voir tout le mois d'août avec Carole Fila sur le terrain. Ok, Fila, révélation. Donc, Lénard, Fila. Calcio. Bon, alors, pour donner un autre joueur, hein, je vais donner le nom de Perrin. Ah, ah oui, bah, bien vu. Perrin qui arrive chez nous avec quoi, une dizaine de matchs en première division. Mais pas en football, par contre. Qui est pas très bon hein, sur ses premiers matchs. Hein. On peut même dire qu'il est carrément mauvais. Voilà. Il était même eu à chier. Hein, clairement, on peut dire. Clairement. Et finalement, avec le temps, moi j'ai trouvé qu'il a été assez régulier, notamment sur la fin de saison où j'avoue hein, que je trouve pas Djikou très, très transcendant. Hein. J'espère que les recruteurs de Séville et compagnie ne m'écoutent pas. Et je trouve qu'il a plutôt rassuré hein, sur la fin de saison. D'ailleurs, il est plus jamais sorti du 11, même quand le marchand est revenu de blessure. Donc moi, voilà. Peut-être petite faute de goût en allant dans le vestiaire d'un club où on ne peut pas dire le nom, après un match dont on ne peut pas dire le nom. Ouais, en allant shaker. Mais c'est quand même le seul. Mais il se rattrape en allant saluer le parcage quand même. Ouais, c'est le seul, hein, j'allais dire, qui est venu saluer le parcage. Hein. Non, il y en a d'autres qui sont là. Il y en a un qui était dans le top 3 d'un célèbre radio YouTubeiste, moi par exemple. Le numéro 1 est venu avec sa veste de jogging, le premier saluait le COP dans ce stade. Ah, mais il y avait des. Il y a trop de films. Ah, voilà. Il y en a quand même 5-6 qui sont. Et c'était qui, du coup Persic. Mais. Ah oui, Persic est venu avec sa veste de jogging. Autant pour moi. Il y avait du Persic, il y avait du Gamero, je me demande s'il n'y avait pas de Djikou aussi. Alors, moi, paradoxalement, tu vois, le fait que je l'ai vu dans le vestiaire de Marseille, ça m'a pas fait mal au cul, j'ai juste me dit. Ça a l'air d'être un mec fiable. C'est un mec, tu vois, il a des potes dans le vestiaire de l'OM. Il va voir ses potes. Et il a salué toute la pelouse là dans leur espèce d'envahissement de terrain aussi, parce qu'il est retourné saluer le parkage après avoir. Il a pas fait la fête non plus. Voilà. J'ai trouvé ça sain comme. Bah le gars, en plus, c'est Marseillais de naissance. C'est pas comme s'il avait joué là-bas. Il a encore à Marseille puisque l'option d'achat n'est que le 30. Voilà. Et non, effectivement, il s'est vraiment amélioré. Il a vraiment fait une saison complète en Ligue 1, ce qui ne lui était jamais arrivé avant. Et globalement, il prouve que pour l'instant, il a un niveau moyen de la Ligue 1. Il n'est pas extraordinaire. Il est loin d'être sous. Enfin, il est vraiment pas nul. Mais je mettrai les encouragements. Ouais. Fin d'année, on met les encouragements pour la saison prochaine. Mais je pense vraiment que l'OM peut s'en mordre les doigts de l'avoir vendu que 1,5 million. Hein. Je pense que c'est un joueur. Ah, mais là, il y a un maïsiculteur qui a bien joué le jeu. Oui. Mais vous qui le connaissez, il jouera que défense centrale toute sa vie ou il a d'autres trucs à son arc? Je pense qu'il peut animer les vestiaires. Non, il peut animer les bar mitzvahs, les communions. Ouais, ça fait. Il grimpe le tournier aussi un petit peu. Ouais, il peut les jouer aussi. Il fait les deux. Ouais. J'ai un grand à jouer contre. Je sais pas comment il s'appelle son prénom. Julien, Loïc, Stéphane, Kevin. Lucas. Ouais, bon, il est né dans les années 90, quoi. Ouais, Kevin. Et tu t'appelleras Kevin. Merci, Gilbert. Très bon choix, excellent choix. Ouais, comme toujours, de Calcio. Voilà, ouais, Calcio. C'est vrai, je pense que j'hésitais beaucoup. Hein, j'avais envie de dire Nancy, parce que effectivement, c'est peut-être le meilleur joueur quasiment de la saison. J'avais envie de dire Liénard, parce que, on l'adore. Et encore une fois, il a prouvé qu'il était au niveau auquel on ne l'attendait pas. J'avais aussi envie de dire Momo Sissoko, hein, qui évidence. Et il a surtout quand il pète Lopez, ça c'est génial, parce que du coup, ouais. Je pense qu'on a été nombreux à insulter Lopez en mode comédie connard, tu trouves, quand le gars sort au bout de 10 minutes et qu'il est out pour 3 matchs derrière, t'as envie de dire genre tu lui marques le but, tu prends pas de jaune et tu me blesses. Il va gâcher le plaisir hein, quand même, déjà qu'il a voir 9 fois sur 10. Donc, mais je dirais Perrin. Parce qu'effectivement, Perrin, on en attendait pas grand chose. Il a apporté beaucoup sur et en dehors du terrain, ce qui est très important pour moi. Ce côté bar mitzvah est hyper important. Ouais, bah oui. C'est le prix du club, c'est l'ADN du club. C'est l'ADN du club. La bar mitzvah, carrément, ouais. Complètement. Ouais. Et c'est vrai qu'il est vraiment, c'est vraiment le mec qui a progressé cette année. Les Chaim. Mais c'est là où tu te dis, c'est bien de faire confiance, à des joueurs, de leur donner les clés du jeu. Pas trop, quand même. Il a marqué ce magnifique but à Geoffroy Guichard. Tout à fait. Il a fait les roulades avec son pote Gilbert. Ils sont séparés. Est-ce qu'on peut les laisser séparer, Marc? Non, il faut faire quelque chose. Évidemment. Ah, mais oui, il faut vendre Gilbert. Voilà. Non, j'ai envie de dire Perrin parce que c'est la belle histoire de cette saison. Voilà. Allez. Toi, t'as déjà dit? Moi j'ai déjà dit. Oui, Carole Fina. Ah, mais oui, Carole Fina. Carole Persich. Ouais, il reste plus que toi. Mais moi j'ai vu un petit jeune là qui a endossé le maillot de Racing, hein, et qui vraiment a fait un grand bruit, qui a fait un grand splash. Pour moi, c'est Larry. je pense que là, c'est clair. Pour moi, c'est Larry. Ah, il a fait du bruit. Hein. Ah, bah, il a fait du bruit. Pour moi, c'est la révélation de Nadio Racing. Voilà, c'est tout pour moi. Bonsoir, Internet. Champion de France avec le PSG, quand même. Oui, exactement. Et l'OM, sûrement Saint-Etienne à un moment, enfin. Manu. Voilà. Voilà. Ben, magnifique. Merci pour cette question, toi. Je sais plus qui tu lui as posé. Rose 3. Un petit peu, j'entendais sûrement pas une question militaire, mais on s'en fout. C'était aussi le grand retour des supporters. Mmh. Mmh. Côté tribune. Rose 3. Comme de par hasard. Côté tribune, cette année, c'est la plus belle saison pour l'interrogation. Là, on se tourne vers... Moi, je suis moins sûr que c'est la plus belle saison. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est la saison de retour des supporters. Donc, c'est le retour des affluences, c'est le retour des matchs à guichets fermés. OK. Il y a eu des belles ambiances. Il y a eu même des très belles ambiances. Je pense à Rennes, je pense à Paris, où il y a vraiment eu des ambiances de dingue. Il y a eu des moments... Il y a eu des moments où c'était quand même aussi beaucoup moins bon. Mou du genou, même. Un petit peu mou du genou. Par contre, on va pas bouder notre plaisir. Tu peux revenir au stade. Ça manquait bien de faire une saison complète. Quasi complète. Parce qu'on va dire qu'on n'a pas pu aller à Metz. On n'a pas pu aller à Bordeaux. On n'a pas pu aller à Lens. Deux équipes reléguées. Bizarre. On n'a pas pu aller. On n'a pas pu aller à Lens. Exact. Correct. Failli pas aller à Marseille. Chez nos cousins en soi. Ouais. Les amis, nos frères. Le cousin dit. Comment tu dis quand t'as Le frère Rico. Le endogamico. Et on a été limité contre Montpellier, et il y a un match où on n'avait pas le droit d'aller à la buvette. Montpellier qu'on est limité, hein. On est limité une bonne partie de la saison. Et il y a un match où on n'avait pas le droit d'aller à la buvette, je crois, il me semble. De toute façon, au niveau ambiance, historiquement, le plus beau match, c'est Saint-Louis. Ouais. À jamais. À jamais dans nos cœurs. Mais c'est vrai que ce retour au... Alors, est-ce que le fait que le Racing fasse une bonne saison, parce que les supporters reviennent, ADN, humanisme, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est pas le gauche? Ça pose d'ailleurs un gros problème sur la campagne de réabonnement. Puisque ça, c'est important de parler de la campagne de réabonnement. Il y a une question là sur les. J'ai la réponse. Ah, ben voilà. Est-ce qu'on fait Géopardi? J'ai une idée. Je fais la réponse, et voilà, exactement, et il faudra deviner la question. Alors. Géopardi. Alors. C'est Alexco. Oui, j'achète 19 billets pour les 19 matchs. Et j'aurai une priorité de rabonnement dans la nouvelle méno à 32 000 places en 2028. Et un ruban bleu. Voilà. Et la question... Ah ouais, le ruban bleu. Voilà. Et du coup, la question est... Ah bah, c'est un truc comme ça. C'est quoi le pass 19 match? C'est de l'humanisme. Ah, bravo. Exactement ça. C'est de l'humanisme, Renan. Tu vends un abonnement qui n'en est pas un. Alors, a priori, ils ne vendent pas d'abonnement parce que tu ne pourras pas avoir ta place l'année prochaine. Ah bah il ferait beau voir que tu pas ma place. Par contre, tu seras prioritaire le pass 2092. Non, le pass 19 match, c'est un abonnement pour 2022-2023, mais qui n'est pas renouvelable. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est un coup d'un soir. C'est sympa ça. Un coup de 19 soirs. C'est ce qui est un peu plus. Parce que j'en connais qui veulent prendre des abonnements et qui là sont tristes. Oui bah. Les mêmes qui les ont lâchés l'année dernière parce qu'en sortie de Covid, tout le monde était un peu sur les retools. Voilà. Et on salue Alexco d'ailleurs qui reviendra dans Radio Stoop dès qu'il aura récupéré tout l'usage de son genou. Oui, bah, et surtout, il a jamais payé sa cotisation. Et puis cette histoire de bracelet électronique. On lui vendra le poste Radio Stoop 19 Radio. Ouais. Et donc toi t'as pris le poste 19 matchs? Ça fait pas longtemps que t'es abonné. Non, ça fait pas très longtemps. Une petite trentaine d'années. Ouais, c'est ça. Ça va. Donc, t'as vu, c'est con. Pour nous, ils ont limité le pourcentage de réduction. Non. Ça peut pas être plus que 30%, alors que c'est 5% par an. Je sais pas, moi, comme un connard, j'ai repris mon abonnement et je l'avais comme un connard pris en classique l'année dernière. Ouais. Et du coup, j'ai vu qu'entre temps, ils avaient inventé le basique, en termes de fonctionnalité, qui m'irait très bien et qui me ferait économiser un petit peu d'euros. Mais tu ne peux pas changer ton abonnement sur Internet. Tu ne peux pas downgrade. T'es obligé, si tu veux downgrader, il faut appeler le truc. Et donc, du coup, je suis un peu feignant et je me dis que quand même, Marc Heller et son humorisme rénant mériteraient au moins 20€ de plus à la saison. Et si on veut des joueurs performants. Ouais. Mais il paraît que si t'appelles pour John Wade, t'as Mark Heller lui-même qui t'appelle pour te dire est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes vraiment avancé? Parce que le pack classique, vous avez l'entrée aux féminines, à l'équipe 2. Et tu peux prêter au moins trois fois ton abonnement dans la saison. Petite astuce pour les féminines, il suffit de dire oui, moi aussi j'ai un abonnement au Racing et tu rentres. Ah ouais. Pour voir les matchs dans le stade. Tu rentres. Oui, voilà, exactement. Jean Nicolas Muller. C'est bon, c'est le monde de peur, là, le stade. Bien sûr. Ah, bah oui. Et donc, le prêt d'abonnement limité à 3, c'est quand même une hérésie. Oui, non, oui. Parce que le but d'un stade, il doit être quoi? Plein. Ok. Donc, si tu mets une limitation pour prêt, parce que, pour une raison XY, tu peux avoir une famille. Je sais, c'est con, c'est une chérie pétée. Éventuellement, tu ne peux pas venir. Tu as peut-être une vie professionnelle, sentimentale, familiale qui t'empêche de voir les matchs. Quelle horreur. L'humanité, c'est détestable, mais parfois ça arrive. L'humanité peut-être a sauvé. Peut-être même plus de 3 fois par an. Je peux pas imaginer. Eh ben, dis-toi que si tu le prêtes plus de 3 fois par an avec ton abonnement classique, ben, tu ne peux pas. Tu es limité. Donc, la 4e fois. Mais rien ne t'empêche de filer la carte en scrum. Oh là là, qu'est-ce qu'il a dit? Censure! Chris! Radio Shtoub ne concerne pas du tout ce qu'il vient d'être. Donc, du coup, la 4e fois, qu'est-ce qui se passe? Tu retournes avec ton abonnement, tu es chez toi et tu ne peux pas le prêter. Ouais. Et il se retrouve que ta place devient une place vide. C'est quand même contre-productif. En complètement. En plus, Marc Heller, c'est sûr qu'il y a plus de 3 matchs qu'il a raté cette année. Je ne sais pas. Il a peut-être une vie familiale et sentimentale très vide. Non, je crois pas. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est le petit scandale sur les abonnements. Mais bon. Ouais. Du coup, on fait un top 3 des matchs. Non, on fait genre il y a un match. Et oui, et la lumière fume. Me dit oui, on a compris hein. Ouais. Non, du coup, j'ai commencé à Le top 3 des meilleurs matchs. Non, top 1. Le top 1 des meilleurs matchs. Un match cette année, un match que vous avez envie de retenir. Rennes. Putain mais Rennes, vous avez vu. Putain, Rennes c'était vraiment bon. Rennes c'était intense. Real PSG, vous avez vu? C'est trop on parlait du Racing. Mais oui, Rennes, ouais. Rennes, moi, je crois que sans problème, Il y avait l'électricité. Le mercredi soir, le truc que tu t'attends pas, tu dis ouais, bon, putain, ça fait chier, 21h. Mais pendant les vacances. Donc il y a des connards qui ont pu venir, qui auraient pas pu venir probablement en temps normal. Marc, si tu nous écoutes. Ouais. C'est le match où on chantait encore après le match. Il y a un match où pendant une vingtaine de minutes, C'est possible. Non, c'est pas sûr parce que là. Non, c'était pas sûr. Il y a les Saint-Etienne où on les entendait encore 20 minutes après le match. Même à 500 mètres, 800 mètres, on les entendait chanter. Ouais, et ils s'ouvraient les veines, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en chantant. Oui. Et je m'ouvre les veines. Donc, Rennes, c'est une unanimité totale. Alors pourquoi pas Paris? Et Paris a eu des temps faibles dans le match. Alors que Rennes, c'était intense dès le début, quoi. Paris, ça a été fou la fin, je suis d'accord. Mais Rennes, c'est le match dingo. Le début aussi, Paris. Paris, il y a deux choses. La première, c'est qu'on gagne pas. Et la deuxième, c'est que Paris est déjà champion. Donc ça gâche un peu le truc, quand même. Et puis, il y a qu'un joueur dans l'équipe. Bah, il y a Djikou, qui a fait une belle ouverture, quand même. C'est vrai que tu testes à 12 ans. C'est vrai. Non, Rennes, parce que tu joues une vraie équipe normale de foot et en même temps très bonne. Une belle équipe. Mec, un but de Terrier qui est très très beau. Complètement. Et puis le retour de JM, qu'ils ne font pas prononcer le nom, qui à un moment donné sèche à Jork. Ah, exact. Oui. Et qui se fait. Ça, c'était le meilleur moment du match. Tout le monde l'insulte. Quoi. Ah, et quand les gens confondaient son numéro avec un autre gars. Et d'ailleurs, sur ce coup franc, il y a l'action et en fait, ça enchaîne sur un but. Hein. Oui. Et c'est ça qui est très très bon. Les gens l'auraient buté hein, sur ce tacle sur Ajax. C'était fini. Parce qu'après, après il râle. Hein. C'est Jonas Martin, évidemment qu'il râle. Tu t'attendais pas à ce que le mec prenne la décision. Et ça, pour le coup, c'est la dénation, tu vois. Il est pas d'antagoniste. Espèce d'antagoniste dans l'équipe adverse que tout le stade prend plaisir à pourrir. Ça, c'est football, non, je pense. Ouais, mais c'est particulièrement marqué chez nous quand même. C'est vrai que Rennes était bien. Est-ce qu'on en retient encore peut-être un autre qu'on aurait oublié? Non, franchement. Déjà, on n'arrivera pas à se finir avant. Victoire contre Metz? Ouais, mais parce que, ouais. Mais oui. Franchement. Mais c'était plié trop vite. Ouais, c'est ça. C'est une deuxième mi-temps inexistante, non? Rennes, il y avait de l'intensité, quoi. Ouais. Ah oui, je pense. Rennes, parce que Metz, c'était plié en première mi-temps. Hein. Ah oui. Oui. Mais c'est ça, 3-0 en première mi-temps. Oui. Ouais. Il y a le penalty de Hajar qui est le doublé de Diallo en première mi-temps. Ouais, voilà. Ouais, ça avait de la peine pour eux. Et un demi-match, je suis désolé, mais quand tu vois le prix qu'on paye, excuse-moi. Là, il y avait Oukidja. Une demi-molle, quoi. Ouais. Non, là, tu payes ton billet pour Oukidja. Oui, c'est vrai. Clairement. Mais une demi-molle quand même. Tout le jeu en première mi-temps, on vend le cop, c'est-à-dire qu'en deuxième, faut se faner le but aller à l'opposé, on a déjà gagné. Ouais, c'était... Ouais, il y a un match contre Bordeaux quand même, hein, aussi, mercredi à 19h, à guichet fermé. Merci. On en met 5. En vrai, je me prendrais bien un petit peu de rouge. Ouais, c'était pas mal. C'était lunaire, ça, ouais. Et pareil, c'est quasiment plié en première mi-temps aussi, cette histoire. Non, c'est un petit peu plus compliqué quand même, parce qu'on est mené. Oui. Ouais. Et à la mi-temps, on fait combien? Je crois qu'il y a 3-1 à la mi-temps, et puis en début de deuxième, il y en a un avec quatrième. Ouais, et après, il y a un 4-2 quand même qui a. Et là, on se dit, le Racing va s'en prendre encore deux. Et pas du tout. Pas du tout. Non, Bordeaux, okay. C'était bien, mais c'était pas aussi fou que Rennes. C'était pas, il y avait pas cette intensité qui est propre au match de fin de saison quand tu commences à avoir un enjeu, quoi. Et Rennes qui était 30 ans après le match de Rennes. Quasiment, ouais. Moi, j'ai fait un truc sur Twitter, personne n'a liké. C'est vrai? Personne n'a mis le cœur étoile, ouais, peut-être. Moi, j'ai un bot qui like quand t'écris, même si t'écris j'ai fait caca, ça like. Mais là, tu mets deux cœurs, non? Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a 30 ans, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a 30 ans? À part, alors c'est dans le domaine de la musique. Les 20 dernières années de Thierry Roland. Nevermind? Non, c'est en 91, Nevermind. C'est Angel Dust. Ouais. Ben voilà, je vous dis, c'est personnel, ça. Je sais pas si le prochain sujet qu'on avait, c'était le mercato. Mais je pense que ça va bientôt arriver. Oui, parce qu'il y a une information qui vient de tomber sur les téléspectateurs à l'instant maintenant. Ok. Voilà, ma information, c'est une exclusivité. Radio Twitter. Ouais. Twitter du Racing Club de Strasbourg, Alsace. Oui. C'est une signature. Il y a le Racing et le FC Annecy ont trouvé un accord. Oh merde. Pour le nouveau prêt d'une saison de Maxime Bastien. Okay. Bravo. Et c'est lui, hein? C'est lui. Oui, c'est lui. Donc il a prolongé son contrat avec le latéral gauche au préalable à prolonger son contrat avec son club formateur. Autrement dit, il a prolongé avec Strasbourg, qu'il a reprêté dans la foulée à Annecy, qui jouera en D2. Non, N1. En D2, ils ont monté. Ils avaient un des plus gros budgets de national cette année. On dit pas. Oui, ils ont monté. Oui. Et nous avons monté. Et nous avons monté. Et donc ils sont montés en Ligue 2, donc là pour un joueur prêté c'est vraiment super niveau, hein. La Ligue 2 c'est comme on avait fait Senaya, c'est ça qui était à Sochaux qui a joué quelques matchs, c'est ça? Ouais, pas mal, franchement, ouais. Presque autant qu'un deux. Ça c'est parfait pour prêter des joueurs, la Ligue 2 c'est vraiment le niveau absolument parfait. En donc plus là, ils sont pas loin, si tu vas en Suisse planquer un peu de l'argent, Marc Heller, mais tu vas voir tous les matchs de Maxime Bastien? Oui, bien sûr. Mais attends. À chaque fois, je dépose 500 000, mais ouais, si j'ai le temps, quoi. Même si le compteur à billets va assez vite. Grosse info, merci Roulian. Voilà. Ça, c'est aussi Radio Show. C'est le direct. La magie du direct, c'est quand même, ça serait pas, si on enregistrait chez oui. Après, ça serait pas pareil. Bien, mais là, je dirais, du coup, c'est top. Ah, mais le mercato, effectivement. Alors, mercato. Ross 3. Encore lui, j'adore. Qui va partir, qui va rester, qui est instable. Wow. Alors, qui est instable psychologiquement? Bon, bah, déjà. Je pense quand même Yéna. Ouais. On sent que le mec est mort. Ils sont plusieurs. On sent que tu lui dis pas de bière cette semaine. Il peut te mordre au cou. Ah, Thomasson est aussi parfois un peu instable. Qui va partir, on a quelques certitudes. Juste une parenthèse et après on parle de ça. Thomasson, qui, quand il était recruté au Racing, avait dit que lui aimait le football intranquille. Citation de l'Ouest France. Ok. J'aime le football intranquille. C'est quasiment un sujet du bac libre. Ouais. Et ça, vous pouvez chercher, hein. C'est intranquille football Thomasson. Mais est-ce qu'on parle, si j'ouvre mon petit Larousse, illustré. Ah, ça, je sais. Année 97. Est-ce que intranquille est dedans? 97, année de Coupe de la Ligue. Ouais. Ouais, mais je ne sais pas. Mais voilà. Tu disais, qui s'en va? Mais il y a des gens qui partent. Bah, Majid Waris. Ouais. Malgré deux buts. Étrangement non conservé. Ouais, ouais. Bon, après, outre son but à Montpellier très important, il y a un but complètement inutile, c'est à Bordeaux. Oui. C'est bien pour montrer qu'on a mis 8 buts contre Bordeaux en ne prenant que 3 points. Hein, alors, après, bon, c'était peut-être contre Lens en prenant 6. L'idée, c'était peut-être d'arriver aux 100 buts encaissés de Bordeaux. Tu vois, ils voulaient apporter sa pierre à l'édifice, ce grand projet. Et c'est vraiment dommage que c'est pas abouti. Ouais. Bah, c'est un espèce de téléthon, tu vois, genre Gérard Lopez dans sa petite chaise roulante là. C'est bien la plus mauvaise défense d'Europe. C'est possible, c'est peut être nous. Non. Même ça, ils ont pas réussi. Voilà. Donc Magid Waris out. Fini. Magid Waris, ouais. Gilbert est rentré à Birmingham. Et sa femme est contente ? Non. Je suis pas sûr. Pas du tout. Je pense qu'entre Birmingham et Strasbourg, tu prends Strasbourg. Putain, carrément. La deuxième plus grande ville d'Angleterre ? Oui, non, mais d'accord. La brillante cité de Birmingham. Ouais. Les Peaky Blinders ? Ouais, voilà. Ouais, plus les Peaky Blinders. Retour de près de notre ami Gilbert, il y a qui d'autre qui est parti ? Anthony Cassi. Jean-Pierre Djikou. Anthony Cassi qui est parti. Anthony Cassi. Pour de vrai. Oui, pour de vrai. À Mayence. À Mayence. On sait son salaire ou pas maintenant ? Oui, c'était 40 000, non, c'est pas ça qu'il me disait. Au Racing ou à Mainz ? À Mainz, je crois. C'est un truc comme ça. C'est pas énorme non plus. Non, je crois que c'est la condition pour savoir si on le voit. 40 000, c'est vraiment pas beaucoup. Non, il était extrêmement mal payé à Strasbourg. Ah, mais tu fais les courses au DM, c'est moins cher. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, après maintenant, il y a les gens qui ont des bons de sortie. Jean-Pierre Ajorc. Oui, Jean-Pierre Ajorc. Et Gaël Djikou. Et il en est où lui Djikou? Il s'est marié. Il est pas allé faire la coupe. Très, il est pas allé faire costume. La coupe Kirin à cause de ça. Ah ouais. Parce qu'il s'est marié. Parce que la coupe Kirin qui arrive au Japon joue évidemment avec le Ghana bien sûr. Et avec Kawashima. Kawashima qui a honoré sa 95e sélection avec les Samurai Blues. Exactement. Les Samurai Blues. Donc il va peut-être faire la 100e pendant la Coupe du Monde. Hein, c'est probable. Un genre de Jeff Strasser. Djikou s'est marié et donc il a un bon de sortie comme à Jorc et qui ne s'est pas marié. Donc les deux ne partiront pas. On ne sait pas. Et on va devoir gérer qu'ils vont faire du boudin l'année prochaine parce qu'ils ne sont pas partis. Il y a la Twitter qui se déchaîne avec des rumeurs tous les jours, mais en concrètement. Attends. En 2022, il y a des gens, j'ai vu, il y a des gens qui croient au truc de transfert. Non, ils croient pas, ils croivent. Ah, ils croivent, oui, ils croivent. Il y a des gens qui croient. On aura déjà. Et nous avons gagné, nous avons monté, nous avons traduit, nous avons croisé. C'est pas possible. On peut. Je sais, c'est une émission aussi qui est un peu didactique. Et didactique, exactement. Les jeunes, c'est important. Mais les jeunes, arrêtez de vous énerver parce qu'il y a des rumeurs ou pas de rumeurs sur Twitter. Achetez des journaux. Je sais pas. Arrête. Sinon, achetez des journaux. C'est les mêmes qui croient encore que dans Jacques et Michel, elles sont amateurs. Donc. Alors, oui, je trouvais bizarre qu'il y ait la même dans 17 trucs différents avec des prénoms différents. Ouais. Elle se ressemblait beaucoup. Oui. Ouais. Je trouve ça dans Derrick. Oui. Ils étaient vraiment amateurs dans Derrick. Mais oui, tout ça, arrêtez. Donc en tout cas, pour nos deux bons de sortie, à part des rumeurs. Non, mais on est sûr que ça va foirer. Si, ailleurs, il y a quand même la rumeur Lille. Il y a nos confrères. Hein, Lille, mais Djikou, il y avait la rumeur Séville et la rumeur Rennes. Ouais. Lille qui dit à Parkeller bonjour, on vous en donne moins cher que ce que vous voulez, tu crois que ça va marcher? Et en Lille qui a viré Gourvennec. Parce que Parkeller est bon public. Mais... C'est officiel. Hein. Apparemment, Lille va virer Gourvennec. Ils mettent un portugais là. Parkeller. Oui, ils mettent l'ancien du Shakhtar et de la Roma. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Je vous rappelle que Gourvennec était en balance avec Julien Stéphan il y a un an. Ouais. Mmh. Mais du coup, là, Keller, il voudrait pas faire le. Oh putain, j'ai raté Gourvennec la dernière fois. Ah, c'est sûr que là, s'ils vendent Stéphane et qu'ils peuvent avoir Gourvennec pour moins cher. T'imagines la bascule. Ah, je sais pas pour le foot, hein. Mais alors qu'ils sont pognon. Mais moi, franchement, honnêtement, si on met les choses. Alors déjà, le marché des transferts, c'est de la merde. Moi, je voudrais qu'on reprenne les mêmes joueurs d'une année sur l'autre, comme ça, c'est plus simple. Le contrat à temps. Ouais. Et. Mais en fait, Ajorc fait, en termes statistiques, au moins une saison moins bonne que la précédente. Ouais. Il a eu quand même un gros passage à vide en milieu de saison, qui a touché presque sur la fin de saison. Donc, je suis pas sûr que dans un marché des transferts qui est un peu déprimé, où il y a plus ce côté très spéculatif, un attaquant de 28 ans. Économie de casino. C'est surtout ça. Hein. Qui veut foutre le pognon que. C'est surtout que tu le revends pas 45 dans 2 ans, quoi. Hein. Et c'est dans quelle émission de radio que vous avez entendu il y a un an quand on parlait de Mercato? Ajorc, il est au pic, il fera jamais mieux, c'est maintenant qu'il faut le vendre. C'était sur Radio Stubo. L'épisode avant l'épisode qui a été censuré. Mais pourquoi Marc-Hélène n'a pas écouté cette émission? Je comprends pas. Il l'a écouté, mais il ne l'a pas entendu. Ouais, ouais, parce qu'il y a quelqu'un d'assez beau gosse, je veux dire. Un peu qui vient du sud, un peu de l'Alsace en ce moment, même s'il est né à Strasbourg, qui faisait cette remarque il y a un an. Et moi, je pense que ouais. nous avons retrouvé la bande. Ouais, parce que c'est tout à fait le Betamax. Ouais, il faut vendre ce vieux con. Non, mais c'est vrai. C'est pas un Cristiano Ronaldo qui fait des pompes depuis qu'il est fœtus. À genre, il est arrivé à son climax la saison dernière. Bah, en tout cas, c'est ce qui a été dit sur Radio. Ouais, 16 buts dans une équipe complètement dépressive, c'était pas mal. Putain, c'était même vrai, au-dessus de pas mal. Hein. C'était vraiment incroyable. Bah, ouais. Mais il était bien parti cette année, je comprends pas. Et du coup, vous pensez que Djigou, il est plus bankable, hein? Non, mais oui, non. Je sais pas, qu'est-ce qu'on parle de Djigou, c'est quoi? C'est un mec qui est international ghanéen. Ouais. Qui fait quoi? Qui est titulaire à peu près tout le temps. Marié, qui joue la Dream Cup. Ah, il joue pas, en fait, il reste qu'un an de contrat. À qui il reste un an de contrat? Donc, du coup, il est défenseur. Les défenseurs, ça vaut moins cher que les attaquants. Il a qu'un an de contrat. Mais peut-être, s'il a plus de prétendants, tu peux faire monter la sauce. Ouais, mais dans le Kellerwehr, s'il lui reste un an de contrat, il doit être vendu. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que dans l'ancien marché des transferts, ce gars-là, effectivement, il serait parti pour 8 millions. 35 millions. À Bolton, Non, Wolverhampton, il faut être portugais. Ou à Levante, ou que sais-je. Mais en fait, là, concrètement, tout le monde est quand même un peu à... Les choses se sont bien retournées quand même. Alors, il y a quand même les Anglais, ils achètent encore des joueurs à des prix pas possibles. Mais pas les nôtres. Exactement. Moins qu'avant. Mais les Anglais, ils ont encore vendu un joueur que personne ne connaît. Comment ils font, eux? C'est vrai, ça. Ouais. Tu vends plus des Gabriel Obertan à Newcastle pour 12 millions, quoi. C'est bien toujours de conneries, quoi. Ah, il n'y a plus. Ok. Il reste j'ai de la Dogbro. Non, mais je prends ça. Donc, j'en ai déjà pris très bonne à Dogbro. Donc, maintenant, là, on a un peu un petit côté, un risque de syndrome là. Ça, si les deux partent pas et que l'année prochaine, on les a les deux qui font du boudin, parce que. On peut pas avoir les deux, là. Ils se sont pignolés sur le fait de. Alors que moi, je serais content de faire du boudin si t'as pas d'offre. Ah, mais t'as des gens qui ont quand même le seum. Lala, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'offres. Techniquement, pas d'offre. Lala, il pense. C'est un moment donné, si personne veut t'acheter, bah, tu restes. Parce que Lala, il croit toujours dans le fait que la Fiorentina va rouler, quoi. Enfin, ouais. Là, il a été champion de Grèce, alors un peu de respect, s'il vous plaît. Donc, gros championnat. Donc on sait pas. Et dans les vrais gens qui vont vraiment partir, parce qu'on parle des deux qui partiront pas, même si on nous dit qu'ils partent. Matzels. Dans les vrais autres qui vont partir. Bah, forcément, celle c'est Diallo, ça me paraît évident. Ouais. Et peut-être Niamsi, hein, c'est une grosse. Mais après, le débat, ce serait plutôt. Si Niamsi part, ça serait bien qu'il parte fin août à la fin du mercato pour qu'on ait pas le temps de se retourner. Ouais. Ça serait vraiment bien. Vers le 31 août, tu vois. Et derrière, Perrin sur les ligaments. Oui. En jouant au badminton avec Donzolo. Avec Pacho. Et Roche. Ouais, donc. Mais par exemple, Thomasson, il reste, par exemple. C'est pas avoir une surprise de dernière minute. Ah, Thomasson, je pense que maintenant, il est enquisté comme une moule sur un rocher. Avec le renouvellement, hein. Il a été renouvelé l'année précédente. Ah, c'est l'année précédente. Il a eu un bébé cette année, en plus. C'était Strasbourg, plutôt sort. Et si t'es pas né Strasbourg, jamais tu le sors. Exactement. Mais la vraie question, c'est de savoir à partir de combien une offre n'est pas refusable. Alors, pour Marco. Pour moi, c'est facile. Il a un site, il a un compte sur Transfermarkt. Oui, c'est qui va dessus. Transfermarkt. Il va dessus. Il regarde la valeur. Et si l'offre, elle est au-dessus de la valeur, il dit. On se met autour de la table. Guys, mais là, on discute. Eh ben, moi, je vais vous dire autre chose. C'est aussi simple. Il y a deux chiffres. Alors, peut-être aucun joueur qui vous pousse, qui vous montre deux chiffres, mais. Donc, à partir de 10. Partir de 10. Ouais. On discute. Partir de 10, c'est bon. Ouais, mais il y en a aucun. Qui va mettre plus de 10 sur un autre? York, ouais. Cels. C'est vrai qu'on peut plus vendre dans les décisions. Gardien, c'est chaud. Ouais, ouais, mais c'est les fondations. D'ailleurs, c'est complètement con de pas prendre un gardien, de pas claquer sa thune sur un gardien. Hein. Ouais, mais marché des gardiens. C'est là où tu vois que le foot, c'est un sport de merde. Ouais. Au hockey sur glace, le gardien vaut plus cher que beaucoup d'attaquants, quoi. C'est clair. Puisque c'est quand même un poste indispensable. Mais regarde Mandanda, numéro 2 en France, il fait combien d'années à Marseille? S'il te plaît, maintenant c'est Magnan. Ils sont pas. Non. Il n'y avait pas un bon gardien à Bordeaux, je me souviens plus. Qu'est-ce qui lui est arrivé sur Il y a eu un petit problème avec les supporters. Et il cherche un club. Oui, il cherche un club, si tu veux. Ah. Mais nous, on a Kawashima qui va jouer jusqu'à 107 ans. C'est vrai. Selon Alex Cour, professionnel. Qui va faire la coupe au bout des ongles, Kawashima. Pour lui. Jusqu'au bout. Ah, bah, Kawashima, je pense que. Ouais. Et par exemple, on va le garder, lui. Bien sûr. Pourquoi tu veux d'autres séparés? Qui veut te lâcher, surtout? Il est top. Dans son rôle, il est top. Il nous a fait une saison. Quand l'autre s'est fait les croisés venant le talon d'Achille, il a pas été horrible. Il a pas été. Enfin, il a été à son niveau. Il a eu des meilleurs stats que Cels. Ok. C'est l'expérience. Et là maintenant, il est sur le banc de touche et il demande rien. Il est content. Il est content. Et j'imagine que sa femme doit adorer la cathédrale et la rue du Marocain pour manger une. Et Ikea aussi. Vous savez que les Japonais, on l'a déjà dit, adorent l'Alsace. Ben oui. Qu'il y a des études, il y a des chaires d'études alsaciennes dans les universités japonaises. Ben il y a Miyazaki qui a pris Colmar dans tous ses dessins animés aussi. Kevin Miyazaki. Ouais, le fameux. Ah ouais. Le Colmar dans le ciel. Tout ça. Tout ça. Ah ouais, je vois. Recentrons. Et qui va venir? Alors attends. Alors, bah, là pour l'instant on parle des mecs qui se cassent, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé des mecs qui. Thomas Delaine. Ah bah lui il est arrivé. Ouais. Il est arrivé cool. Et il y a une très belle vidéo. Hein. Bah, alors moi je t'avoue. Salut Thomas. Alors ce truc là, les toutes premières vidéos marrantes que j'ai eues comme ça, j'ai trouvé ça génial. Et maintenant que c'est devenu un passage obligé, ça m'a fait plus rigoler du tout. Je suis d'accord. Le marchand. Reims, les faisait bien. C'est Reims. Le truc avec Abdelhamid, le truc à monter à l'envers, ça c'était drôle. Mais déjà, globalement c'est plutôt bien. Reims c'est souvent bien. Reims c'était bien. C'est le bien seul truc où ils sont performants d'ailleurs. Bah, le marchand c'était pas mal. Avec la trousse là, ouais, le machin. C'est la seule fois que le but était marrant de toute la galaxie. C'est clair. Pas mal. Mais bon, j'ai perdu la trousse, elle est où? Elle est à Strasbourg, elle m'a fait manger. Non, c'est ça? Ouais, bon, mais sinon, à part ça, Thomas Delaine, c'est bon. Yes, aussi, bien. Je sais pas, alors, ouais. C'est dommage parce que le seul mec qui a. Faut demander à Thor. Mais t'es où à Thor, bordel? Oui, où est à Thor? Mais bien, personne. Où sont les questions militaires sur encore une question. À Thor, le mercato, est-ce que Thor a quitté la. Si Thomas Delaine, il vaut un cachou, quoi. Je crois qu'à Thor prépare son grand oral du bac. Mais est-ce que à Thor est parti à la cave de papy? Ah ouais, il paraît. Je pense pas, il a qu'un seul amour. Il est pas allé sur Fréquence Verte, non? C'était non, non, ça c'était moi. C'était toi, il me sent bien. Hein. Ouais, donc Delaine, on sait pas. Est-ce qu'il va piquer la place à notre ami. Carole Fila? Jean-Pierre Fila? Mais non, pas Jean-Pierre Fila, il est à gauche. Cassie? Ah merde. Mais non, Cassie est parti aussi. Mélenchon? Jean-Pierre Lénard, ton amoureux là. Lénard? Eh oui. Ah, Jean-Pierre Lénard, ouais. Est-ce qu'il va lui piquer la place? Ça va être chiant. Ou alors ils vont se partager un match sur deux, donc Lienard à domicile et Delaine à l'extérieur. Bah, tout le monde dit qu'il est génial, mais encore une fois, j'ai entendu des gens dire que non, il sera remplaçant du remplaçant. Ok. Bon. Ok, bon. Mais moi je connais pas. Donc là on a fait un gros achat. J'ai du mal à voir tous les matchs du Racing. Très honnêtement, si on réussit à garder la même équipe, à part le cas des gars qui ont pas réussi à partir et qui vont faire la gueule, on est pas si mal. Bon, il y a qu'une seule rumeur qui est sortie quand même. Vraiment assistante pour l'instant et qui a été confirmée par le club. Le Parisien? Colin? Ah non. Colin Dagba. Dagba. Oh oui, c'est ça. Le frère de Didier. Ouais, il a été proposé au club. Ouais. Il a été proposé, donc, mais le club n'a pas démenti, pour être l'arrière-droit à la place de... Carole Fila. Non. Non. Oui, aussi. Mais surtout Guibert. Alors, on sait tous que Guibert va signer fin août. Hein. Enfin, il n'y a même pas de... Alors, Guibert, il lui reste qu'un mois. Moi, j'exclus pas la possibilité qu'il signe en janvier. C'est possible aussi. Gratuit. Ah ouais, ça serait bien. Tu sais, genre, on est 16e, mais sa cote a baissé, tu vois. Ah bah. Non, mais même en janvier, il peut partir gratuit. Il peut partir quasiment gratuit. Il peut pas jouer tout de suite. Pour les 6 derniers mois. Bah non, il faut qu'il ait moins. Hein. Non, il vient un 30 janvier où il pleut. Mais on est 16e et Marc Keller offre au bon peuple le retour de Frédéric Gilbert, tu vois. Et on finit 19e quand même. Parce qu'il y a pas une hype Frédéric Gilbert. Mais complètement, mais il est génial. Mais... Un chouille, ouais. Je pense que c'est un mec qui bénéficie à fond de l'effet réseaux sociaux parce qu'il a cette espèce de dégaine et de côté très premier degré. Après, c'est un bon arrière-droit. C'est quand même un poste qui est de manière structurelle sinistré. Donc, dès que t'as un gars qui s'en sort un peu. On parle en France en général, là. Oui. Oui. Wow, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. En général, en France. Mais d'ailleurs, c'est... on cherche des mecs qui jouent à l'air droit, quand même. Et donc, et Philippe Rachke, t'imagines, il serait là en 2022. Le mec, il ferait un carnage. Bah, c'est clair. Putain, il y a Super Dehu. Ils faisaient déjà des carnages à l'époque. Il y a Super Dehu qui demande. Super Dehu. Est-ce que le retour de Philippe Rachke? Non, mais en piston droit, doit-on attendre? Vous avez le droit. Oui, bien sûr. En piston droit, doit-on attendre une décote du prix de Gilbert? Donc là, bien sûr, il faut acheter un plus bas. Ou dès à présent, recruter quelqu'un d'autre. Mais je crois que Gilbert, le vrai problème, c'est le salaire. Putain, la question suivante, celui-là, elle est incroyable, c'est pour après. A priori, le salaire n'est pas si fou. Enfin, mais c'était 110 000 euros, je crois. Le problème, c'est que les... 110 000 euros... Alors, pour un arrière-droit. Brut par mois, hein, pour nos auditeurs. Voilà, c'est 110 000 euros brut par mois. Par mois, tous les mois. Tous les mois. Donc, voilà. Donc 190 000 en coût salarial à peu près, je pense. Mais oui, parce qu'en France, les charges sociales et tout, les entreprises, enfin. Faut qu'on tourne en Bundesliga. Hein. Mais vous avez raison. Donc ça coûte un peu quand même. Mais c'est surtout 4-5 millions pour acheter une année de contrat. Ça fait cher de la roulade. Ouais, ça fait cher la roulade. C'est vrai que là, on a eu un an et demi pour pas cher. Bon, là, on a quand même du lourd, hein, parce qu'on a on parlé... a une question de Super Dohu que, à quelqu'un qu'on n'a absolument pas pensé. Pas... Alors, qu'il revient, alors qu'il vient. Lala, Jean-Louis Daou. Mais non. Mais non, mais il y a Kenny Lala qui apparemment est annoncé en France. Non, mais on a mieux, mieux. Ah, ah mieux, Kenny voilà. Lala. Là, on a quelqu'un qui est. Vas-y, au-dessus de lui, c'est le soleil. Ah, tu cites Super Dohu, tu veux le faire ou le faire? Toi, toi, vas-y. Que faire de. Je vous donne le prénom à l'indice, Kevin Motiba. Ah merci, Bah, rien de moi, hein, voilà. Parce que lui, il en revient. Bac dans les bacs. Eh ouais. Eh, coucou. Il a fait, on l'a prolongé avant de le prêter aussi. 12-13 matchs avec 3, 2 buts dont un penalty. Ouais. Est-ce qu'il fait toujours la tondeuse? Le générateur. Ah, c'est un générateur. C'est un générateur. C'est pour allumer, l'électricité. Oui. Dans les townships, quoi. Exactement. Ah, espèce d'Africaneur, quoi. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus Michel que, Sardou, que, Johnny Clay, quoi. Mais, ouais. Voilà, lui. Ou les deux de Tom Gallagher. Ou Dianne Wurt, vous connaissez Dianne Wurt, bien sûr. Bien sûr, les mecs, ils séquestrent des enfants dans des trucs sataniques, ouais. Bah, bien sûr. Ils font ça. Des amis, c'est des amis. Ils ont fait ça. Bah, écoutez. Lui, Wen, les deux. Le prof, les deux, tout le monde. Comment ils arrivent à faire Ninja? Ninja? Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Lui, c'est Ninja et c'est Yolanda. Yolanda? Yolanda? Il y a un très bon bouquin Zulu de Karine Ferré, lisez-le. C'est oui, j'ai vu le film. Karine Ferré? Karine Ferré. Ah, Carrie Feuille, elle fait des films, mais c'est ça. C'est pour ça, il n'a pas besoin de sous-titrage. Tu comprends tout de suite. Bref. Et donc, Motiba, oui, Motiba. Le mec qui va être, ça veut dire qu'on vend un genre si Motiba revient. Ah, bah là, on a plus besoin d'un genre. Même Diallo, je dirais limite, ça fait redondance, quoi. Ouais. Rappelez-vous, ce mec, il nous a mis 10 buts en une saison. Bah, à l'époque, c'était presque un chouchou du public, hein. Bah, il a mon fils, il a un maillot de Motiba. Mon fils aussi. C'est, j'ai pas génération Racing, c'est génération Motiba, nos fils. Ok. Motiba quand même. Bah, oh d'ailleurs, petite parenthèse. Si vous avez un appart sur Strasbourg qui serait meublé, où il y aurait deux jeunes étudiants, dont un qui pourrait être lié à ma famille, ça m'intéresse parce que là on visite des taudis actuellement. Donc écrivez des commentaires sous sous la vidéo. C'est important pour le référencement. Ouais. Et mettez des étoiles. Ouais, c'est ça. Et des pouces bleus. Et ouais. Des waterbed. Et des cloches. On va s'enseigner pour voir si des joueurs du Racing ne lâchent pas leur rapport. Ouais, voilà. On pourrait faire d'une pierre. Je crois que la maison de Jiku est disponible. Oui. Je sais pas si on a les moyens. Mais on va voir. Mais voilà, c'était une parenthèse, j'y pense. Mais du coup, il y a Motiba qui va revenir dans le game. Et est-ce que le Racing va le reprendre ou il va essayer de le reprêter ou bien de tout simplement le vendre alors qu'ils l'ont prolongé avant de le prêter à. Après, on peut l'échanger contre Adil Rami. Non, il paraît qu'il part en D2. Ah merde. Où ça? Ah, mais c'est pas, j'ai pas suivi. Ah, mais ça serait génial. Bah, mais ce serait génial pour moi. Et il se rapprocherait, non? Ce serait bien. Ah putain, il serait tellement bien à Walligator. Ouais. Walligator, j'en suis babard. Oh, je torquille pas mal. Mais le problème, c'est que Motiba, est-ce que c'est le seul retour de prêt qu'on enregistre? Non. Ah bah non, mais il y a Bastien Kirsten. Senaya, il vient et repart. Senaya. Ah oui, mais il y a une question là-dessus. Sibi, Gros Marcel appelle Petit Ange Bleu, là. Ah oui, c'est vrai, Paris FC. Et Chahiri, hein, avec la cheville entière. Chahiri. Non, mais là, il y a déjà eu un article de DM pour dire que ça repartait aussi sec. Hein. En fait, tout le monde va repartir, tout le monde dégage. Sauf Sibi, parce qu'il est à moins d'un an de la fin de son contrat, donc là, on est quand même en train d'aller voir le Bahreïn pour leur dire, bon, bah, Thierry l'aurait kiffé. Et qu'apparemment, il a fait plutôt une bonne. Donc en fait, il a mis un post Twitter, ou Instagram, ou n'importe quel réseau social. Avec un Paris 23 dans le dos. Donc l'idée c'est que parmi les joueurs prêtés, il y a des joueurs qu'on veut vraiment prêter pour qu'ils prennent du temps de jeu pour éventuellement les rapatrier. Ça peut être le cas de Maxime Bastien à Annecy ou peut-être Chahiri. Mais qu'il y a des mecs comme Sibi, en fait, les prêts c'est juste une manière de s'en débarrasser. Quoi. Non, parce que Sibi a fait une très bonne saison. Non, je pense que ça peut être une monnaie d'échange contre. Je les mets en vitrine. En fait, je pense que ce qu'ils ont en tête c'est le cas Salmier au final. Salmier, on l'a recruté pour des prunes. Il nous a bien rendu service, il faut dire ce qui est sur les années nationales. On va parler du match contre Amiens quand on prend le but à la dernière minute. Ah ouais, non, ça, t'as pas envie d'en parler ? J'ai occulté ça de ma mémoire. Ok. Et au final, on l'a quand même récupéré. On a quand même filé quelques centaines de milliers d'euros à 3 pour qu'il le. Et ça, le 4-4 à Marco, il roule pas à l'eau, hein. C'est ça. Mais enfin, Salmier, on l'a quand même un peu bazardé, hein, parce que Général Baki et puis Mangan, c'était pas meilleur, hein, c'est vrai. Le général Bako, c'était quelque chose. Que... Ça, c'était une saison où au moins tu avais le cœur qui montait dans les palpitants. Dès que Ballot était en défense. Mais on parle très peu hein, de cette saison de Thierry Loret, mais on s'est quand même maintenu avec Mangan Kone en défense centrale et Seka, rien de gauche. Hein. Ouais, et puis vrai. Lala qui jouait avant-centre alors qu'il était un peu moins. Exactement. À Marseille, le but qu'il marque à Marseille, il est littéralement avant-centre. Ah ouais, il est littéralement avant-centre. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis là. Donc voilà, est-ce qu'on a encore des infos transfert? On fera peut-être une émission. Et oui, ça fait beaucoup de. Ouais. Ça... Mais moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas de gros mouvements dans le sens. Il est très tôt, le jour où on enregistre, on peut le dire. Hein, on est très exactement le 16 juin. C'est bien sûr beaucoup trop tôt pour les transferts. Le Racing, c'est entre le 16 août et le 31 août. Hein, voire entre le 28 et le 31. Ouais. Donc. Les mercatifs du Stubb, calmez-vous, ça va bien se passer. Et de... On a encore le temps pour un petit Keller d'émission. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Sur les jeunes talents, sur les jeunes talents. Ok, les jeunes talents sont bons. Après, c'est 10 ans. Je vous rappelle que ça fait 10 ans, voire. Non, ça fait 11 selon certaines sources, Marc Keller lui-même. Mais. C'est pas grave. C'est 11 selon Marc Keller et 10 selon la police. Il y a 10 ans, 11 ans. Oh, c'est long, Marc Keller. Vous êtes déjà resté avec la même gonzesse pendant 10 ans? Non. Oui. Non, non, c'est impossible. J'ose même pas imaginer. Putain, il est pire, c'est pas limite autant se marier. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, bah, 10 ans de Marc Keller, un bilan de merde, hein, grosso modo. Attends, on a passé la plupart du temps en division amateur. Oui. Ouais. C'est vraiment pas classe. Ouais, c'est pas terrible. Au niveau du pognon, bah rien, il n'y a pas de pognon, jamais de pognon. Ouais. Le stade, on n'arrive même pas à avoir un ennemi. Ouais. Désolé. Ah oui, c'est n'importe vrai. Quel club de qualité a un ennemi. Et le Kipsta Stadium. On en parle des travaux qui sont en retard. Ah, ça c'est encore du Marc Keller, ça. Bah, bien sûr. Ouais, mais parce qu'il n'a pas payé le chèque d'accord. Mais oui, parce qu'il a pris des ouvriers ukrainiens. Alors ça, c'est l'excuse, quoi. Toujours. Ouais. On peut pas avoir de carrelage, c'est les Ukrainiens qui le font. On peut pas avoir de moutarde, c'est les Ukrainiens qui le font. Tout dans le monde, c'est fait par les Ukrainiens. Et du coup, les moutardes, les saucisses, ils sont en retard aussi. Exactement. Est-ce qu'on pourrait avoir un joueur ukrainien, là? Ah, je pense, oui, ça doit jouer. Ah, il lui manque une jambe ou. Rebroff. Un mec qui sort de Mariupol, là. On devrait parler de ça, c'est moche. Ouais, c'est vrai. C'est parce que, ça coûte de l'argent à Marc Keller, tout ça, c'est connerie, hein. Donc, Marc Keller, bah, 10 ans, un bilan catastrophique. Genre, le mec, c'est Macron, en pire. C'est ça. Peut-être même que c'est Macron. Il y a un côté très écouté. Ouais. Ils ont tous le même âge. Tout et dans tout, y compris le bullshit. Macron a 10 ans de moins que Keller. Quoi, Ah, oui. Oh, il a encore plein de scènes. T'es en train de me dire que Marc Keller vise la présidence de la République dans 5 ans? Bien sûr. Je pense. Et tout le monde dit, le grève. Ouais, le mec, la FFF. Que nenni. La FFF, c'est pas assez pour Marc Keller. Il vise plus haut. On se met autour d'une table. Exactement. Il va faire un parti l'ADN de la France. Comme le symbolisme rénan. Une table, le symbole, l'icône, enfin le truc, le logo, ce sera une table. Ouais. Aujourd'hui, une saucisse, moi. Une table avec une saucisse dessus. Mais cuite, tu vois. Ouais. Genre un peu, mais pas trop. Donc, je vois même pas comment il peut rester encore au Racing Club de Strasbourg la saison dernière. Non. Ah, ça, c'est son bilan est catastrophique. Chaque minute de sa présence est une minute de trop, c'est clair. Par rapport au. Regarde, exemple récent. On va à la DNCG. Ouais. La DNCG, on présente les comptes de la saison écoulée et les futurs budgets de la saison à venir. Et tu crois qu'ils nous gardent 2 ans? Ils nous gardent 2 ans? Non, mais ouais, c'est bon, merci. Merci Marco. Pourquoi vous êtes venu? Mais enfin, si jamais tu veux faire une reconversion, on te prend à la commission de la DNCG. Ouais, c'est à la supportable. Bordeaux, ça reste 4 heures. C'est reconvoqué la semaine suivante. Apparemment, Bordeaux, ça durait 5 minutes. Ah merde. Bonjour, ouais, vous avez pas ramené, mais vous avez pas fait votre copie? Il faut Revenir. Hein, ouais, mais après, ils font ce coup qu'on faisait à l'époque, ils se disent. On va laisser passer une semaine, on va reprendre le même truc, ils auront pas les couilles de nous reléguer. Historique. Voilà, et donc du coup, Marco, encore une fois, il passe. Enfin, ça, c'est insupportable. Ouais. Là, j'ai marqué putain 11 ans. Ouais, mais c'est. Ouais, bah oui. Ouais, on s'est fait chier. Alors que le concours d'écharpe, on en parle de ce scandale? Il n'y avait pas eu un concours d'écharpe? Si, c'est vrai. Où il avait escroqué tout le monde en... Je sais pas si c'était lui ou c'était... Non, c'est Citerlé encore. C'est Citerlé. Ouais. C'est le ruban bleu, ça. Ouais. Non, il y a eu tout. Il a tout fait Citerlé. Il a fait la totale. Il a fait les poches à tout le monde, genre... Citerlé, c'était marqué là en plus petit. Par contre, Guémandia, c'est quand même Keller. Alors, c'était à l'époque, c'était pas la même... Mais c'était le même homme. Il avait pas Loïc Désiré, quoi. Non, il avait encore Jackie Canosi, ouais, je pense, effectivement, ouais. Ouais, donc un bilan de merde dans l'ensemble. Ouais, catastrophe. On va pas s'étendre, déjà parce qu'on a pas le temps. Ouais. Parce qu'il y a, déjà, là, y a le quiz. Il y a le quiz, là, on lui coupe la tête, quoi. Voilà. On peut faire groupe. Dans ta gueule. On lui crève les pneus de son Q5. En plus, tellement vulgaire. Q7, non? Q7, sûrement. C'est vulgaire. Sûrement. Bah, j'ai pas envie de m'épancher, ça me dégoûte. Ah, les Audi, quoi. Par contre, sérieusement, quand il s'en va, c'est qui alors? Leonard Spech, je pense. Ouais, comme d'habitude. À mon avis, c'est Sabrina. Ouais. Sabrina reprend le club. Et pas la régence. Alors moi je vous dirais. Lopez, moi, j'ai un favori. Par contre, on joue en rose. J'ai un favori pour la reprise du club, mais je vous dirais offline. Ok. Oh. Ah, tu vois déjà les VHS, les interdits. Il faut venir à l'enregistrement. Ah, ouais. Bien sûr. Mais par contre, parce que c'est l'heure du quiz. Ouais. Okay. Je vais chercher les bières pour le quiz. Oui. Il reste de la pince, hein, pour ceux qui veulent. Ah, j'en ai encore. Le quiz qui a été bossé toute la semaine? Toute la semaine, effectivement. D'arrache-pied, des tableaux croisés de dynamique, on n'a plus savoir que faire. La blague du tableau croisé de dynamique, elle est toujours excellente, elle marche toujours. Dans toutes les situations. Exactement. Donc c'est toujours pareil, une ou l'autre question sur la saison, et puis, deux survivants. Champagne. Vous êtes prêts, ça va se jouer à la rapidité. Oh bordel. Oh, bah alors là. En match attends. Officiel. Ouais. Ça dérange si j'ai sur la page. Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce qu'il y a un thème du quiz? Juste pour savoir. Oui. Pour les auditeurs. Sur le Racing. C'est un club de foot de l'Est de la France. Du coup, de l'Est de la France, le plus grand club de l'Est, selon les supporters. Ok, d'accord. Je suis prêt. Je prends la main. Combien y a-t-il eu de capitaines en match officiel? Trois. Bonne réponse. Thomasson, Djikou, Liénard. Ouais. Bonne réponse, c'est parfait. Tu notes les points, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Qui est le meilleur buteur des trois dernières saisons? Ajork. Ça, c'est joué, ouais. Je trottine. À part en 2019, où il partage le record avec qui? Motiba. Avec Motiba, bonne réponse. On en parlait juste avant. Ouais, 9. Quel joueur a joué le plus de minutes cette saison? Cels. Cels, bonne réponse, c'était facile. Et du coup, le premier quiz, sans transition, les 11 joueurs qui ont joué les 11 Cels. Joueurs de champ. Ah merde, ah. Ah, déjà éliminé. Non, mais non, mais non. Qui ont joué le plus de minutes? Niamsi, bonne réponse, c'est le numéro 1. J'ai chaud, Patrick. Est-ce qu'on fait dans l'ordre du niveau du monde? Pardon. Tout à fait. Persic. Le dernier Persic. Hein, de bien sûr, mais c'est normal. De cette liste. Il est 12e joueur, du coup, et 11e joueur de champ. Djikou, bonne réponse. Cassie. Cassie, très bonne réponse. Gilbert, effectivement, bonne réponse. C'est là maintenant, ça devient intéressant. Bah, Ajork. Bah, Ajork, oui, évidemment. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 5. Le deuxième sera plus dur, hein, c'est trop facile. Sissoko, c'est le dernier de ce qui reste. Et là, il en reste 4. Alors là, ça a coupé plus vite que Thomasson. Bonne réponse, Thomasson. Oh putain, je tente. Là, je vais tenter un truc, mais je pense qu'il faut Bellegarde. Bellegarde, c'est une bonne réponse. Yes, ça, c'est celui que j'allais prendre. Bah, du coup, Léna. Ah non. Putain, il a vraiment pas joué. Hein. Ah non. Et dire que certains veulent le garder. Il en reste combien? Il en reste 2. Diallo. Ah non, mauvaise réponse. Oh, Diallo, il n'y a pas joué. Alors là, j'ai un peu. Je suis perdu. C'est deux joueurs dont on a parlé hein, cette saison. Bah, justement, je sais pas. Ah, bah oui, je vois très bien qui c'est. Ah, oui, évidemment. Putain, mais évidemment. Je suis bête. Persic. Ah, oui, Persic, ça a été cité. Perrin, c'est une bonne réponse. Et le dernier, pas en une vie pour le prochain. Yamsi, bien sûr. Mais on l'a déjà dit en premier. Yamsi a déjà été dit. Ah, merde. Et on dit goût. Non, on l'a déjà dit. Bah, oui, je sais pas. Alors, on l'a cité quand même dans cette émission. Gamero, putain. Eh oui, Gamero. Ouais. Bon, alors, du coup, JP Darky a 3 vies. Ouh, je trottine, t'en as une. Oh. Et donc, C'est les bitcoins, c'est le blockchain. Alors, je voudrais, là, pour le dernier quiz, celui qui compte, le survivor de la mort qui tue, les meilleurs passeurs en championnat depuis que Marco a repris, depuis une année avant que Marco ait repris le club, depuis 2011-2012. Oh, bordel de merde. Alors là, il y en a qui sont plusieurs fois. Ah, puis il doit y avoir des gratinés, hein, là. Bon, okay. Mais il y en a des simples. Il y en a des simples, il y en a des un petit peu plus compliqués. Il y en a qui sont à égalité. Ajorque. Alors, Ajorque a été en 2021 et en 2022 et en 2019 et en 2020. Bon, okay. Attention, il faut voir. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme meilleur? Interdit d'aller sur Wikipédia. On peut pas avoir le deuxième ou le troisième meilleur passeur. C'est vraiment le meilleur de chaque saison. C'est le meilleur de chaque saison, sachant qu'il y en a à plusieurs, il y en a plusieurs sur l'une ou l'autre saison. Par exemple, cette année, ou l'an, enfin, l'année qui vient de se finir, la saison qui vient de se finir, il y en a eu trois, dont Ajorque. Il y a dû avoir, du coup, je dis entre lui et lui. Je dirais Sissoko, il a marqué plein, il a fait plein de passes cette année. C'est une très bonne. Oh là là. Mais avant, ah avant de passer à la suite. Sissoko, je suis très impressionné. Avant de passer à la suite, attention. C'est parti. Un invité spécial. Venu d'un pays gorgé de soleil. Il a ramené des fruits exotiques. Et oui. Il a ramené des mangues, une croix passion, en ananas, et beaucoup de bière, et des colliers de fleurs. Extraordinaire. Et le polo qui va avec. Ah ouais. Oh, le polo, yes. Et tu es là, tu es là. Il est là. Et je pense que... Ah non, challenger, mon... Avant d'annoncer, il faut faire la pause, il faut se préparer. Ah oui, c'est vrai, il faut faire le bordel les 5 secondes, machin. Ah oui, alors je coupe la musique parce que c'est trop compliqué pour nous sinon. Alors, il est là, il est formidable et c'est. Kido! Ah putain, merde, c'était là, oui. C'est pas grave. Et là, tu dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors là, bienvenue, bienvenue, Kittel. Kittel, alors, justement, tu es invité ce soir car tu as un nouvel album qui sort, je c'est ça? Oui, on s'est réunis en studio à la fin de l'année. Pendant le confinement. On a beaucoup travaillé à la maison. J'ai fait une réflexion sur mon œuvre et moi-même. Et je crois que tu prends un virage à Rennes, hein. Il me semble que ta carrière prend un virage à Rennes. Ouais, voilà, hein, je pense que... On en était où? On en était, j'ai donné Sissoko. Sur les meilleurs passeurs des 11 derniers championnats, sachant qu'il y a plusieurs saisons où il y en a plusieurs à égalité. Ajorque est tombé, Sissoko est tombé. Le top passeur. The ouais. Top, the most passer in the championnat. Depuis que Marc Keller, depuis 2011-2012. Depuis le début de l'humanisme rennais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... En championnat. Si, on a fait la blague, il a mis Citerbé. Non mais attends. C'est ça. Donc il n'y a pas la saison d'Euro avec Fournier parce que... Ah ben non, c'est la saison d'après. Alors. Donc voilà. Kittel. Ajorque. Et donc l'exploit, hein, n'ayons pas peur des mots. Sissoko cette saison. C'était quelle saison là? Moi j'avais Ajorque. Cette année, il a été le meilleur passeur du club à égalité avec d'autres joueurs. Avec trois. Il y avait trois joueurs. Il y a eu Ajorque, Sissoko et... Je vais mettre quelque chose dans mon sac. Cocaïne, génial. Regardez le miroir. Tu veux passer ton tour, c'est bon. Non mais c'est un jeu pas encore chaud, ouais. C'est un jeu, on est comme ça là. Mon verre est vide. Liénard, c'est une très très belle réponse. Il a été meilleur passeur en 2020-2021, en 2017-2018, en 2016-2017 et en 2015-2016. Oh la vache. Oh là là là là. C'est pas de la merde, alors lui chier tout seul. Ouais, ouais. les jeunes sur Twitter qui se foutent de sa gueule. Un gigueuse qui fait semblant de voir, ce n'est pas à lui, mais c'est à toi, attention. Je crois que je suis obligé de... Alors, c'est qui? On a donné qui? Parce que... Alors, on a donné Ajorque, Sissoko et Dimitri Liénard. Et c'est trois joueurs que j'adore. Voilà. Pour qui j'ai beaucoup de respect. Tu avais les réponses, en plus. Mais j'avais les réponses. Mais je vais dire Adrien Thomasson. Adrien Thomasson, effectivement, cette année, c'est le troisième joueur, du coup. Alors qu'il a joué deux matchs. Alors qu'il a joué que deux matchs et demi. Et alors, Il en reste, alors, ah, il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bordel, 5 quand même. 5 dans 1 qui a été 2 fois brasseur. Et Lienard, je vais préciser qu'en 2014-2015, c'était aussi lui. Bah, j'ai raté mon effet. Ça, c'est quoi, c'est... Il reste 5 joueurs. C'est des chouchous au port. Alors. Ah ouais, c'est des chouchous. C'est des chouchous au port. Qui t'aime ? On t'écoute. Je pense que c'est tous les 5. Il y a pas de Boutaïb. Ah non, il n'y a pas de Boutaïb. Oh là là ! Oh là là, oh, je suis déçu. Oh, le déçu. Le faux départ de Christine Aron. Oh, je suis déçu. Oh là, ça a chaud. Oh. À chaud, des impressions. Oui, Patrick, ici Nelson. La catastrophe. Il manquait de fraîcheur, un peu de réussite. Bon, les joueurs étaient fatigués. Mais tu rigoles, mais c'est toi-même. Oui, j'essaie de gagner du temps. Mais tu as 3 vies, hein, quand même. Ah oui, c'est vrai que j'ai 3 vies. Ah, t'as 3 vies. C'est vrai que j'ai 3 vies. T'as le droit à 3 échecs. Ok. Alors, attends, je regarde mon super soundboard de ouf. Ok. Alors, très bien. Ils sont là. Donc, on a dit, je résume, je récapitule parce qu'il y a un petit peu de chaos, là, ici, hein. On a du Ajor. On a du Sissoko. Je fais. Ouais, tu feras. Ouais. Tu vois les deux, je voterai ouais. pas. Très bien. On a du Thomasson, du Lienard, et on a une grosse foirade. On n'a pas Boutaïb. On n'a pas, voilà. On n'a pas Boutaïb, mais là, c'est quand même une question pour le joueur. À moi. Ouf. Alors. À minima, 2 joueurs. Ah, mais j'ai 3 vies, je m'en tape. Ont été évoqués ouais. lors de cette émission. Ok, bon, de toute façon, j'ai 3 vies, je m'en tape. Voilà, c'est ça, exactement. Être très dur à déloger. Hein. Donc ça va pas être Capitaine Commando non. là. Commando avec un chien sénégalais. Capitaine Caverne, ce sera pas Capitaine Caverne. C'est ça. Ce sera pas Cels. Ce sera pas Debes. Je fais un peu un retour sur tout ce dont on Par contre là, ça perd des vies. Un petit récapitulatif. Non, je dis ce sera pas. C'est pas trop près, c'est pas trop près. Donc ça perd des vies, c'est pas bras pas. Cette année, il y en a eu 3, donc on les a déjà fait. Il faut choisir maintenant. Ouais, j'y vais. Persich. Ouais. J'ai quasiment jamais joué avant. C'était difficile, hein, c'était difficile. J'ai fait Gounian à toi. Oh. Ouais. Je vais tenter un truc, mais m'en voulez ouais. pas. Tu vois mon raisonnement, c'est que je me dis la première année, c'est la CFA 2. CFA 2, je dirais Lodi, meilleur buteur, meilleur passeur. Non. Ah, oh, le bien. Effectivement. Au 2011-2012, c'est un joueur de CFA 2, effectivement. Oui, certes, mais je me dis, meilleur buteur, il pourrait aussi être meilleur passeur. Non, c'est... Putain, qui était meilleur passeur en 2011-2012? Alors, moi, je suggérerais Thomas Martin. Thomas Martin, le frère de... Janus. De Jacques Martin. Non. Toujours pas. Moi, j'avais une vie. Non, t'avais une vie, tu perds, effectivement. Gigas. 2011-2012, je m'en rappelle très bien. Belle année. Ouais. Formidable. J'ai tenté un patcho d'Onzlo. Ah non, toujours pas, non. Je peux rejouer ? Ouais, reviens. Kenny Lala. Kenny Lala, mais oui, en 2018-2019. Ouais, t'es bloqué, moi, t'es... Oui. Ah, ça fait plaisir. Ah, merde ! À moi. Plus que 2 vies. Un indice ? Sur vos écrans ou pas? Alors, 2011-2012. Il manque 2011-2012. 2013, 2013-2014, 2015-2016. Ça, c'est la saison qui n'a pas existé. Et 2019-2020. Ah, 2019-2020. Il y en a un qui était co-meilleur passeur avec Ludovic Ajorquet. Ok. Ajorquet. 2014-2015. Non, 2019-2020. Ok, alors c'est à moi là, on est d'accord. Oui. Ouais. En championnat, hein, je tiens à signaler. Oui, par rapport à la Coupe d'Europe, sinon, je me suis arrêté. Ouais, ça fait la Coupe de France et la Coupe de la Ligue n'ont jamais existé. Oh putain, mais il faut connaître les joueurs du Racing alors. C'est, ouais, c'est préférable. Ça joue quoi. Ouais. C'est clair. Putain, mais c'est super dur. C'est le but du quiz. Hein. Ouais. C'est super doux. Super dohu. Là, moi je dis. Putain, mais c'est trop dur. Dis quelque chose. Mais t'as 2 vies. Hein, ça... Ouais, j'ai 2 vies, je m'en tape. Viens, joueur du Racing. Un joueur du Racing. Jonas Martin. Jonas Martin. Ça peut marcher. Ouais. C'est vrai que ça peut marcher. Jonas Martin. Non. Ah, ça aurait pu marcher. C'est ballot. Alors qui reste-t-il dans ce jeu là? Ouais, il reste Pépé Lartigue. Non, il reste Protim. Il reste Protim. Hein. Julien Perrin. Ça, c'est une belle réponse. Hein. En 2012, on l'a pas déjà dit. Julien Perrin. Non, ah, Julien Perrin. Putain. Avec les cheveux longs. Ouais, j'étais quelque chose comme ça. 2012-2013. Oh merde, pardon. 6 passes décisives. Oui, oui, oui, et oui. C'est le short. Je me suis gouré. Il y a le long et le short. Ah, ok. Il y a le long orgasme et le ouais, short. Putain, du coup. Donc la saison 2013-2014, il reste 2013-2014. Qui est le meilleur passeur en CFA 2? En relégation sportive, ça reste à voir. Relégation sportive en CFA. Putain, mais tu fais du révisionnisme anti-kellérien. C'est dégueulasse. C'est le même qu'en 2011-2012, qu'on a en 2013-2014. À peu de choses près. C'est un indice. J'ai une idée. Ça, c'est un putain d'indice, ouais. Je pense que c'est Markeller. Ah non. Putain. Mais c'est pas là. un mec qu'on a adulé, quoi. C'est un mec que Markeller payait, sûrement. Ah. Non. Ouais. Non. Ouais. J'ai eu un truc, mais. Est-ce que je mets de la musique en attendant pendant que tu réfléchis? Jenjini, non. Ah. Non, non, impossible. Non. À toi maintenant. Oh putain. C'est ta dernière vie, hein. Fais attention. Mets-nous une petite musique. Non. Alors, il reste 2015-2016, un co-meilleur passeur avec Lienard. Je vais mettre va être très difficile. Ouais. Je vais mettre de la musique. Mais c'est illustré, hein, cette année, je crois, en étant super menu. Je réfléchis. C'est même pas stupide. Tu fais ça dans la réunion de famille aussi? Ouais. Ouais, j'aime pas parler. Donc... Je fais toujours musique. Alors, remets une autre si vous voulez, qui est mieux. Donc on a dit... Alors 2019-2020. Ouais, vas-y, résume un peu. Bah, ouais, en musique, un joueur qui était 2015-2016. Et qui était même en 2013-2014. Voilà. Si j'ai bien fait. C'est ça, voilà. Ah mais on a dit que... Je sais rien, moi. On a dit Sikimich, mais c'est pas lui. Non, tu sais pas. Ouais. Bon, Gonzalo, qui faisait des passes dans CSA2. Qui savait faire des passes. Et qui est resté au moins 2 ans. Putain, j'en sais rien. Non. Moi, je dirais que Gauthier Pinot. Oh, putain, bravo! Avec la mer. Je l'ai vu dans le regard! Gauthier Pinot! C'est dommage que t'avais plus dit. Alors, les matchs 2019-2020, on en a parlé dans cette émission, Kittel peut peut-être le confirmer. 2019-2020. C'était quand ça? Est-ce que c'est un joueur c'était avant, avant la COVID? Du COVID ouais. Ouais. On a eu un peu de COVID? Ah, bah oui. Il l'a fait cette année au Racing, cette saison au Racing. Chez nous? Là? Oui, Racing Club de Strasbourg. Ouais, mais là, là maintenant, il n'est pas meilleur buteur, là. Mais il n'est pas meilleur passeur au milieu de terrain. Mais il l'a meilleur fait... passeur avec. Il l'a fait sur le terrain. Il l'a fait sur le terrain ou dans le staff. C'est le seul joueur à avoir joué l'année d'avant tous les matchs de Coupe de la Ligue. Oh yeah. Cassi. Ah, mais oui, bien sûr. Anthony Cassi. Mais oui, mais voilà. Et le tout dernier 2015-2016. Ah, ça va être dur à trouver, hein. Mais. Endoy, effectivement. Oh là là. Rien que pour ça, merci d'être venu. Ouais, voilà. Bravo. Et pour les verts aussi, quand même. Et pour les verts aussi, parce que. Oh merde. Oui, non, l'objectif, c'est de finir au-dessus des 2 heures. Ouais. Non, c'est pas vrai, juste avant. Voilà, donc il nous reste 5 minutes et 35, 36. Donc on s'en fout des questions Minitel. Ouais, on nous demande s'il y aura des nouveautés sur Radio Studio l'année prochaine. Non, pas du tout. Ce sera encore pire. Quand t'as un concept comme ça, qu'est-ce que tu veux changer? Et alors là, on a déjà le concept de cette année, c'est quand même Kittel qui arrive toujours en retard, avec plein de trucs dans les mains. Mais même une fois, je suis pas venu. Ouais, même une fois, t'es pas venu. Donc non, Ross 3, il n'y aura pas de nouveauté l'année prochaine. Voilà. On promet rien cette année. On a eu le Corsieux. Non, live d'un camping. Un Radio Stub Live. Ouais. Sur le... Ah, ça serait on bien. Le promet chaque année. Mais un Radio Stub Live. On peut se le promettre pour cette année. S'il n'y a pas une pandémie mondiale, c'est jouable. C'est jouable, ouais. Oui. Il y a le nombre d'établissements qui demandent à ce qu'on vienne pour booster leur fréquentation. Ouais. Et des supermarchés aussi, des bar mitzvahs. Ouais. Séminaire force de vente. Oh. Tableau croisé dynamique. C'est ça. Ouais, donc pas de nouveauté. Si c'est comme ça, tableau, c'est comme Yeoman, tableau croisé dynamique. Tu fais le... Voilà, donc pas du tout. Sur Racing Stub, les nouveautés, on n'en sait rien. Non, nul, nul, Racing Stub, nul. Non. Donc, éclatez-vous bien la nénette à gueuler sur le stam qu'il n'y a pas de. Ouais, donc il n'y aura pas de transfert, on va perdre tous les joueurs, ouais. On va démarrer avec l'équipe de CFA. C'est avant la prochaine émission, il n'y aura pas de transfert. Voilà, c'est prévu, c'est un deal avec le club. Alors, un pronostic, chacun fait un pronostic. Et puis on de transfert un... De n'importe quoi. De prix des, de prix des merguez. Pour les législatives. demain, il y a le calendrier qui sort. Oui, oui. Ouais. Premier match à domicile. Moi, je fais un pronostic. Oui. La journée du supporter n'aura pas lieu en juillet. J'ai un autre pronostic. Le Community Shield n'aura pas lieu en juillet non plus. Ah ouais. Et ben moi un autre. La Coupe du Monde, elle aura pas lieu en juillet. Bim. Notre pronostic. Encore. Vous avez vu l'affiche de la Coupe du Monde à propos? Non, rien à foutre. Elle est sortie là. Ouais. C'est quoi, non, l'affiche. Le poster, l'affiche dans ta chambre. C'était officiel. Ouais. Le truc qu'on avait en 98. Qui était dégueulasse. Le truc bleu. Ouais, ignoble. On sait pas trop ce on voyait un stade vaguement, ça avait ouais. Des carrés. Ouais, ça vaut pas à Mexico 86, hein. Il y avait quand même un piment avec un sombrero. Une fois que t'as fait ça en 86, qu'est-ce que tu veux faire plus? Ouais, il s'appelait Pino, Lapine, ou il a Gauthier Pino, meilleur passeur, les deux sont meilleurs passeurs. Donc le calendrier demain, on sait qu'il y aura pas Metz. Est-ce qu'il y aura Bordeaux? Ah bah non. Donc on n'a rien à cocher dans le calendrier. Donc ça c'est encore la faute à Keller. C'est ça l'affiche? Non. C'est une personne qui jette une coiffe. Ah c'est ça. Une coiffe locale et on dirait qu'il y a le symbiote de Venom là qui sort de sa coiffe. Ouais, ça chie, exactement. Et c'est sur ces belles paroles. Il faut que ça sorte comme ça ou quoi. C'est sur cette belle parole qu'on va clôturer cette émission bilan. Cette saison. Ouais. Cette saison aussi. Mais oui, riche de combien d'épisodes? Beaucoup. C'est trop. 14, 13 ou 14. Trop. Plus d'un par mois. Selon nos concurrents, beaucoup trop. La cinquième à vous étonner. Et bien sûr, avant ça, vive Marquez. Allez, Racing. Allez. S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.